legacy, found it. Why is it look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacy, found it. Why is it panda? Packers full, done it. Selling ball, candy. Been out the macho like Randy. The chopper go out for Grammy. Then nigga pull up your banner. Hope the killers understand me. Panda, panda. 5h58, super content d'être avec vous, designer, le New Yorker. On vient d'écouter Pendy sur Skyrock, gros son rap US. On est jeudi matin, le 30 juin, ça y est, enfin le week-end qui approche. C'est l'heure du best morning, le morning best tous les matins sur Skyrock entre 6h et 9h. On se fait tout ce qui a douché, tout ce qui a déchiré. On se refait l'année de Di Fulé Romano. On a plein de cadeaux à vous offrir, l'iPad mini, des places aussi pour la tournée Skyrock de Rihanna. On va reparler de tout ça dans quelques secondes. Pour le son, on se mettra Justin Timberlake. Et pour l'actu et le sport, il est là au taquet en pleine forme, c'est Rémi. Ouais, le temps pour aujourd'hui, Rémi, arrives-tu avec de bonnes nouvelles pour ce matin? Bof, c'est moyen. Oh, vas-y, c'est moyen. Rentre chez toi. J'y peux rien, moi. Gris et pluvieux sur une grande partie du nord. On a des nuages déjà ce matin de la Bretagne à la Lorraine, en passant par la Normandie et l'Île-de-France. Pas de changement, par contre, ailleurs, avec un ciel bien dégagé dès ce matin. Il fera beau, même très beau, dans l'après-midi, dans le sud-est et sur la Corse. Les températures ce matin, on a 13 degrés à Poitiers, 14 à Lille et à Beauvais, 15 à Brest et à Orléans, 16 à Saint-Etienne et à Paris, 17 du côté d'Aubenas, 18 à Lyon, 19 à Nîmes et 20 à Marseille. Au meilleur de la journée, il fera 17 à Boulogne-sur-Mer, 19 au Havre, 21 à Vannes et à Lille, 22 à Nantes et à Paris, 23 au Mans, 24 à Bordeaux, 25 à Besançon, 26 à Marseille et à Strasbourg, 27 à Toulouse, 28 du côté d'Ajaccio, 29 à Lyon et 31 à Nîmes. Les pipes et la pollution respirent plutôt bien. Les indices sont compris entre 3 et 4. Ça monte à 5 sur Avignon, Marseille, Toulon et Cannes. Les assistants de stars, les anciens assistants de stars qui balancent sur leurs anciens patrons, c'est ce qu'on vous explique dans quelques minutes avec Di Fulé Romano. Et là, c'est parti pour l'actu. Et une entrée en campagne qui ne dit pas son nom. Il y aura bien une baisse des impôts l'an prochain pour les classes moyennes, normalement, annonce faite par François Hollande. L'effort de l'État représente 2 milliards d'euros. Le président s'exprime ce matin dans la presse. Il tacle la droite et s'en prend aussi à Donald Trump qui brigue la présidence des États-Unis. Concernant le Brexit, François Hollande souhaite adapter la fiscalité française pour rendre Paris plus attractive. Enfin, le chef de l'État évoque aussi la loi travail. Il affirme que l'article 2, qui est au centre des contestations, sera maintenu. Le recours au 49-3 à l'Assemblée n'est pas à exclure. La loi travail qui était au centre des conversations hier entre Manuel Valls et les syndicats. Le Premier ministre a tenté une opération déminage en présentant des amendements qui concernent les accords de branche. Un pas en avant apprécié par les syndicats mais jugé trop timide, notamment par la CGT. Le secrétaire général de Force Ouvrière, Jean-Claude Mailly, affirme que le mouvement n'est pas terminé et dénonce un blocage du chef du gouvernement. L'entrée en vigueur demain du nouveau compte pénibilité, il se veut plus complet et permettra aux salariés du privé de partir plus tôt en retraite selon la difficulté de leur métier. Sont concernés ceux qui ont des postures pénibles, qui portent des lourdes charges, les agents chimiques ou encore les employés soumis aux températures extrêmes et au bruit. Le MEDEF refuse de le mettre en place, trop compliqué, selon le syndicat des patrons qui sera reçu aujourd'hui par Manuel Valls. La reprise de l'euro ce soir avec le premier quart de finale Portugal-Pologne au stade Vélodrome. Le Portugal est favori sur le papier, mais attention à cette équipe de Pologne, le jeu proposé est plutôt intéressant et l'équipe n'a encaissé qu'un seul but depuis le début du tournoi. On verra tout ça en direct dès 21h dans la Radio Libre. Et puis petite inquiétude dans le camp France concernant Patrice Evra. Il y a eu contact hier avec Moussa Sissoko à l'entraînement, un entraînement ouvert au public devant des centaines de fans. Le défenseur latéral est tombé et un autre joueur lui a marché sur la main. Séance interrompue pour lui avec un gros bandage et une poche de glace pour soulager la douleur. Il donnera des nouvelles ce matin en conférence de presse aux alentours de 11h30. Merci pour tout Rémi, et toi on va te retrouver tout à l'heure pour l'actu et pour le sport. À tout à l'heure. Morning Best. Morning Best. 6h-9h. Morning Show. Les meilleurs moments du morning de Di Fulé sur Skyrock. Skyrock. Jeudi matin, 6h02, vous êtes tous les bienvenus. C'est parti pour le Morning Best avec tout ce qui vous a fait le plus marrer tout au long de la saison dans le Morning de Di Fulé. Au programme ce matin, le réveil de Star. On va utiliser les voix de Joe Star, d'Omar Sy ou encore Cyril Lignac pour réveiller des familles. Cyril Lignac, c'est dans moins d'un quart d'heure. Il y aura l'horoscope de l'amour tout à l'heure aux alentours de 7h-10. Bien évidemment, les conseils pas chers de Romano à retrouver à 7h08 et à 8h08. On va parler des assistants de stars également dans quelques secondes avec les anciens assistants de Lady Gaga, Justin Bieber ou encore Jennifer Aniston qui vont balancer sur leur patron. L'iPad mini est à gagner également ce matin. Hier, il est tombé pour Anto de Douai qui va le gagner. Vous restez dans le coin. Je vous dirai comment faire, comment l'avoir. Ça sera tout à l'heure aux alentours de 7h du mat. Des places également pour Rihanna, la tournée Skyrock qui approche. On est à J-16 de la première date. Elle va passer par Nice, à Lille, à Lyon et du côté du Stade de France à Paris-Saint-Denis. Vous pouvez commencer à tweeter avec le hashtag #DiFoolBest pour faire partie des premiers, des premières inscrits. Il y aura également des inscriptions par message d'ici à 9h du mat. Voilà, gros programme, grosse matinée qu'on attaque tous ensemble avec Justin Timberlake, tout de suite avec Can't Stop the Feeling. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, lock the way we rock it. So don't stop. Du morning de DiFool. Skyrock. Alors les stars, oui, je vous ai dit, on allait révéler des secrets de stars grâce aux assistants de stars. Parce qu'on a fait une petite compile de tout ce que les assistants qui ont bossé avec des stars ont révélé sur les gens pour lesquels ils ont travaillé. Une petite question avant que je vous révèle les secrets de qui. Tiens, j'ai les secrets de Lady Gaga, les secrets de Taylor Swift. Elle est bien amochée, Taylor Swift, quand même. Ouais. Ah bon ? Je pensais pas qu'elle était dans cet état. Elle a l'air normale. Bah, elle a l'air. Elle a l'air de loin. Jennifer Aniston aussi. Bon, j'en ai d'autres. On va parler donc des secrets de stars. Et vous, si vous aviez un assistant, vous étiez une star, on va se mettre dans la peau d'une star ce matin, vous le feriez faire quoi ? Tout. Non, mais c'est trop facile comme réponse. Voilà, vous prendriez un assistant, pourquoi ? Il y a un truc qui vous fait chier dans la vie, pourquoi vous prendriez un assistant ? En gros, vous êtes esclave de star. Mmh. C'est un peu ça quand t'es assistant de star. Oui, c'est vrai. Hein. Ouais. Moi, j'aimerais pas avoir d'assistant, moi. Pourquoi ? Bah, déjà, faut le payer. Parce qu'il faut le payer, ouais. Non, mais déjà, okay. Et moi, je considère une chose, c'est on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Bien dit, Romano. Bravo, bravo. Ouais, si tu le dresses bien. Ouais, ouais. Ah non, et puis tu moi, j'aimerais pas. Comment non, tu parles ? Non, et puis j'aimerais pas, tu sais, avoir tout le temps quelqu'un chez moi, là. Tu sais, t'es en train de te gratter les roubignoles devant ta télé. L'assistant qui arrive et qui te les gratte. Bon, les stars, on a déjà parlé de Jennifer Lopez, par exemple, qui avait un assistant pour lui touiller son café, mais attention, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, autrement elle fait une crise de nerfs. Et parce qu'elle n'y arrivait pas elle-même. Exactement. On avait parlé de Beyoncé également, qui avait une assistante pour lui mettre ses chaussures. C'est dur à dire, mais ah, c'est pareil, elle n'arrivait pas. Oui, Lady Gaga, qui exigeait qu'on lui apporte du fromage après chaque concert. Bah, alors, Lady Gaga, d'autres trucs dans sa vie, elle a besoin de ses assistants parce qu'elle en a plusieurs. Ouais. 24 heures sur 24. Une fois en pleine nuit, elle en a appelé un qui ne travaillait pas pour qu'il vienne lui changer son DVD parce qu'elle était trop fatiguée pour se lever de son lit. Ah bah c'est vrai, elle est trop dure. Mais Lady Gaga, il y avait aussi un truc qui avait tourné une fois. Bah d'ailleurs, l'assistante, elle avait porté plainte après. Genre, Lady Gaga, elle appelait son assistante en pleine nuit pour la laver. Ah, parce et pour venir dormir avec elle aussi, parce qu'elle voulait pas dormir seule. Ouais, c'est vrai, ouais. La pauvre. Bon, bah, tiens, il y en a un qui couche avec ses assistantes, et notamment ses femmes de ménage, c'est Justin Bieber. Oui. Ah ouais? Ouais, pratiquement toutes les femmes de ménage y sont passées. Ouais. Oh. Bah, c'est qu'ils fassent gaffe, parce qu'il y en a d'autres qui ont des problèmes DSK, ouais. Par exemple. C'est vrai, oui. Oui, avec les femmes de ménage, faut se méfier. Fais attention, Justin. Justin, le nouveau DSK, t'imagines? Jennifer Aniston, qui avait tourné dans Friends et qui a tourné dans plein de films depuis. Mm-hmm. Jennifer Aniston déteste avoir chaud, elle déteste transpirer. Elle a donc un assistant transpiration qui se balade avec des petits ventilateurs et des glaçons pour passer sur son front quand elle a un truc trop chaud. C'est mignon. Voilà, vous imaginez un petit ventilateur pour mettre sous les bras. Oui, si elle est très poilue sous les bras. Oh, bah, oh. Tu sais que le petit ventilateur fait également rasoir. Ah bah c'est pratique. Dès que ça tourne. Bah nous on avait vu dans les studios Maria Carré qui avait une assistante. Maria Carré par exemple tournait la tête, il y avait une meuf qui la recoiffait et elle n'arrivait pas à boire à la bouteille. Alors il y avait une assistante qui lui mettait une paille. Oui, et qui lui la changeait quand elle désirait d'avoir une nouvelle paille toute neuve. Ouais, ouais. On a vu Puff Daddy aussi qui avait un assistant pour lui essuyer ses lunettes de soleil. Ah ouais. Exactement. Le mec qui disait glasses. Là t'avais le mec qui arrivait avec une petite manette, il lui mettait. Pas de problème, Puff. Et derrière il lui remettait sur le nez parce que Puff Daddy ne devait pas réussir à les mettre tout seul. Et t'as Snoop qui avait un rouleur de joint aussi. C'est vrai. Ouais, aussi, ouais. On vous en avait parlé, il était venu à plusieurs reprises et c'est toujours le même. Ah ouais. Le mec est là, on le reconnaît, il arrive. Ouais, ouais. Il est tout foncedé. Et il est là pour. Oui, il roule et il allume les joints de Snoop Dogg. Il s'étouffe avec, quoi. Pas mal. 6h-9h. Morning Show. Le morning de Default sur Skyrock. Yeah. Shorty, I know what you need. I got everything you need. I promise I ain't gonna hold out, nigga. I'ma give it all to you, baby. That's where I'm on. Bust it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want. You know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. As long as you want. You know I got it. Baby, for a few years, shed a few tears, called each other nicknames like Sugar Plum and Pooh Bear. I'm always on the road, hardly ever home. Always busy this, busy that, can't talk on the phone. I know you aggravated, walk around frustrated. Patience getting short, how longer can you tolerate it? Listen, ma, I'm just motivated. I do this for us, stuck on the grind, trying to elevate it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want, you know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you, as long as you want. You know I got it. I'll give it to you, as long as you want. You know I got it. I feel your love. for me, baby, and how it moved through you. I've been longing for the moment to talk the truth to you. Listen, I'm never home, I always get up and go. Putting you through the unnecessary rigmarole. I never meant to put 1,000 pounds of stress on your head. I love the way we sleep and how we always cuddle in bed. Baby, I stay embracing your patience, shedding your tears with me. I ask you, my mommy, please continue to bear with me. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want, you know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. As long as you want, you know I got it. And give you my love and cry with you. Let's go. Classique de dingue. On était en 2002, Busta Rhymes et Mariah Carey avec I Know What You Want. Il est 6h14, c'est le morning best. Voilà, c'est votre encart à pas louper tous les matins sur Skyrock de 6h à 9h. On a l'iPad mini à vous offrir ce matin à l'occasion de la sortie de Conjuring 2, film Skyrock. On jouera tout à l'heure à partir de 7h. Faudra bien noter, être attentif à tout ce qui se passe dans l'émission. Vous pouvez d'ailleurs déjà l'être dès maintenant, hein, c'est pas interdit. Mais voilà, on jouera tout à l'heure à partir de 7h. Faudra noter tout ce qui se passe et à 8h moins le quart, je vous poserai une question. Et le ou la plus rapide à avoir la bonne réponse repartira avec son nouvel iPad mini. Là, c'est l'heure de retrouver le réveil de Star avec Difool et Romano. Le réveil de Star, c'est tous les matins à 6h15, 8h moins 10 et 9h moins 10. C'est le tout nouveau 21 Pilots. Les 21 Pilots, c'est eux. Il y a un nouveau son des 21 Pilots. Il s'appelle Ride. On l'écoute dans quelques secondes. Le réveil de Star. Une star. Une star. Un appel. On écoute. Bonjour Cyril. Bonjour. Bonjour, je suis Cyril Lignac. Je voulais préparer un petit gratin au fioul. Ah non, plutôt gratin. Et je voulais préparer un petit coup de téléphone aussi. Ah bah ça c'est bien, on va l'écouter. On se régale. Ça affole les papilles. Oh regardez, c'est craquant croquant. Alors, on appelle qui Cyril? Lionel. Ah Lionel, allez on y va alors. On appelle Lionel. C'est parti. Ah oui. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? En effet, on n'est pas copains, ça c'est sûr. Non mais vous êtes vraiment dérangés, hein. Sur le papier, la mariée, elle est toujours belle. Mais après, attention. Et pourquoi vous m'appelez? Alors, je vais vous demander de revisiter le célèbre gâteau au chocolat. Et voilà. Non mais ça va vraiment pas, là. J'ai l'impression que je deviens fou, moi. Je vais mourir de rire. Non mais attendez, je crois que vous êtes à jeun, là. Pour ça, ça va bien. Oui, vous m'appelez pour me dire des conneries pareilles. Concrètement, mon projet aujourd'hui, c'est de mettre toute une ville à la cuisine. Ah bon? On va apprendre à cuisiner tes légumes. On va faire ça à moins d'une heure. Ça vous plaît? Non, pas du tout. Ah, j'ai pas entendu. Ça vous plaît? Et vous permettez... d'abord, on n'a pas gardé les cochons ensemble, d'abord, premièrement. La question ne se pose pas comment tu le prends ou comment tu le prends pas. La question se pose que je dis tu viens, point, c'est tout. Non, d'abord, premièrement, tu ne vois pas, premièrement. D'accord? Non. Hein? Et deuxièmement, non. Ça veut dire en fait qu'on va pas y arriver. Ça veut dire qu'on va pas le faire. Ça veut dire que je peux pas compter sur toi. Non, pas du tout. On est bien d'accord, non mais parce qu'au bout d'un moment aussi, moi je pète les plombs. Moi aussi j'ai pété les plombs, d'accord? Parce que moi je me mets plein cul pour vous. Mais, cher monsieur, j'ai d'autres choses à faire, c'est tout. La seule chose que je veux. C'est du chocolat à l'intérieur. Non mais ça, bon écoutez, hein. D'accord. T'as beurré le moule là?

champion le gars. Bon, ça ne sert strictement à rien parce que le jour où il arrive à la série 91 meufs d'un coup. Ah oui, ça c'est. Faut me faire signe. Mais bravo. C'est un autre record. Champion Aurélien, félicitations. Faut beaucoup d'entraînement, c'est ce qu'il a déclaré après son record. Bravo mon gars. Ah bah bravo. C'est un Irlandais. Vraiment que c'est un foot, mais 60 bon. Secondes, bravo à lui. 91 soutien-gorge. Ah bah bravo. Ça te vaut 300 euros pour toi Aurélien. Et bien pour toi Aurélien, 30 okay. secondes pour gagner plein d'argent et garder un maximum d'argent. Eh oui, parce que chaque seconde on reprend 10 euros. Ok. Le chrono thune. Sois plus rapide que le chrono et empoche la thune. Aurélien, question facile ce matin. En plus, tu en as sur toi. Il me faut 5 types de sous-vêtements. Cite-moi 5 sous-vêtements. 30 secondes, bonne chance. Caleçon, boxer, slip, string, tanga. 5. C'est bon. Caleçon, boxer, string, tanga. Slip, tanga. Ok, c'est bon. Ça marche. Eh ouais, bravo. T'as gagné. C'était pas compliqué, mais il faut avoir les idées bien en place. Et tu as fait ça rapidement. Combien? Eh ben, tu as fait ça en 5 secondes. Il en reste donc 25. Ça fait 250 euros. Bip, bip. Bravo. 250 euros pour toi. C'est pas leur corps, mais on n'est pas loin. 20 euros près. C'est pas grave, ça va servir. Ah bah oui, 250 euros. Ça peut toujours servir. Bah profites-en, Aurélien. Tu vas faire quoi avec tes 250 euros? Ah bah, je vais rembourser. Je dois encore un peu des sous à mon traiteur. Je me suis marié ce week-end, donc ça ira pour lui. Ah, ça coûte cher un mariage. Ah bah voilà, ça y est, c'est bon. Eh bien, ce sera notre cadeau de mariage. 250 euros. Ah bah, c'est parfait. Voilà, ça a payé le traiteur. Oui, ben voilà. Vous avez bien bouffé au moins. Mais bon. Ah, on a bien profité. Oui, ça très bien. Vous avez eu des crêpes aux bactéries comme Romano ou pas? Non. T'aurais dû, franchement, ça aurait mis de l'ambiance. Très très bien. Bravo Aurélien, heureux mariage, éclate-toi bien, 250 euros, je les envoie tout de suite à la maison. Ouais. Les meilleurs moments du morning de Difool. Morning Best, 6h-9h sur Skyrock. Yeah, Drake en prépa, Drake avec One Dance. I need a one dance, got a Hennessy in my hand. One more time before I go, higher powers taking a hold on me. J'avais premier CH également avec Allo Moment. Il arrive dans quelques secondes. Là, il est 6h28. On est jeudi matin. Ça y est, le week-end qui approche. Enfin, ça fait plaisir. Nous, en tout cas, on est super content d'être avec vous, de vous réveiller avec les meilleurs moments du morning de Difool. Premier sur la déconne. Même pendant l'été, on va parler voiture. Qui lave régulièrement sa voiture? Ou est-ce que vous êtes plutôt du style à laisser traîner? On parle de tout ça juste après un point sur l'actu et le sport qu'on fait tout de suite avec Rémi. On y va, Rémi. C'est parti. On débute avec la météo. Avec des nouvelles pas très bonne aujourd'hui, hein. C'est gris et pluvieux sur une grande partie du nord, on a des nuages déjà ce matin de la Bretagne à la Lorraine en passant par la Normandie et l'Île-de-France. Pas de changement ailleurs avec un ciel bien dégagé dès ce matin, il va faire très beau hein, aujourd'hui si vous êtes dans le sud-est autour de la Méditerranée. Et sur la Corse, les températures ce matin, 14 degrés à Lille et à Blois, 15 à Laval et à Limoges, 16 à Nancy et à Paris, 18 à Lyon, 19 à Montpellier et 20 à Marseille. Au meilleur de la journée, il fera 18 à Cherbourg, 20 à Caen, 21 à Lille et à Alençon, 22 à Orléans et à Paris, 23 à Poitiers, 25 à Nevers, 26 à Marseille, 27 à Saint-Etienne, 29 à Lyon et 31 du côté d'Avignon. La pollution, on respire plutôt bien, les indices compris entre 3 et 4, ça monte à 5 sur Avignon, Marseille, Toulon et Cannes. Votre horoscope de l'amour aussi, c'est dans moins de 20 minutes et là, c'est parti pour l'actu. Une entrée en campagne qui ne porte pas son nom. Il y aura bien une baisse des impôts normalement l'an prochain pour les classes moyennes, annonce faite par François Hollande. L'effort pour l'État représente 2 milliards d'euros. Le président s'exprime ce matin dans les Échos. Longue interview dans la presse, donc il tacle la droite et s'en prend pour la première fois à Donald Trump qui brigue la présidence des États-Unis. Concernant le Brexit, François Hollande souhaite adapter la fiscalité française pour rendre Paris plus attractive. Il redit que la sortie du Royaume-Uni de l'Europe est désormais il ne peut plus y avoir de retour en arrière. Enfin, le chef de l'État évoque aussi la loi travail. Il affirme que l'article 2, qui est au centre des contestations, sera maintenu. Le recours au 49-3 à l'Assemblée n'est pas à exclure. L'entrée en vigueur demain du nouveau compte de pénibilité, il se veut plus complet, permettra aux salariés du privé de partir plus tôt en retraite selon la difficulté de leur métier. Sont concernés ceux qui ont des postures pénibles, qui portent de lourdes charges, les agents chimiques ou encore les employés soumis aux températures extrêmes et au bruit. Le MEDEF refuse de le mettre en place. Trop compliqué selon le syndicat des patrons qui sera reçu aujourd'hui à Matignon par Manuel Valls. 6 mois de prison avec sursis, peine prononcée par le tribunal pour enfants de Paris contre 2 lycéens partis en Syrie en janvier 2014. Les deux jeunes âgés de 15 et 16 ans à l'époque, des faits

des millions de vues sur le net et il sera en tournée Skyrock à la rentrée. SCH, le rappeur marseillais, avec Allo Maman à 6h35 en ce jeudi matin. On prépare One Dance de Drake et Ma Beauté aussi, la bande son de Camping 3, le son de Maître Gims, le Morning Best avec les meilleurs moments du Morning de Difool. Il y a un nouvel épisode maintenant. Tiens, je vais vous poser une petite question et dans un instant, je vous raconterai la grande mésaventure du galérien du jour. Le mec est responsable d'une station de lavage de voitures. Et donc, je voulais vous demander ce matin si vous connaissiez quelqu'un qui ne lavait jamais sa voiture, qui avait une voiture très sale. Moi. Non, moi, ouais, j'en lave. Romano, ouais. Romano, très bien, je note. Ah non, moi, ça me saoule et puis ça coûte cher en plus. Alors, ça coûte cher, justement. On va aller faire un tour dans une station de lavage si t'as un petit lavage à faire. Romano, profite ce matin. Bah, écoute, si c'est gratuit, avec plaisir. Et Romain est avec nous en direct de Dijon. Allez, salut la Bourgogne. Salut Bourguignon. Salut. Bonjour Romain. Dit qu'à Dijon ça ne roulait pas les airs. Mais si, à Dijon tu m'as dit que c'était en Bourgogne et que les gens ils parlaient comme ça. Mais non. Bonjour. Alors Romain, toi t'es du genre à nettoyer ta voiture tout le temps ou jamais? Ouais, tout le temps. Tout le temps. Ouais. Mais genre tout le temps, c'est quoi, tous les jours? Non, peut-être pas quand même. Tous les jours. Tous les jours. Ah ouais. Mais là, t'es dans la lavage automatique, on t'entend. Sûrement, ouais. Du coup, là. Non, ça raye. Donc, j'évite dans tout au Karcher. Ah, tout au Karcher, parce que les rouleaux, ça raye. Ah, ouais, t'es un malin. Il est malin. Non, mais ils disent ça, les gens qui sont dans leur voiture, et ils ont sans doute un petit peu raison. Faut faire attention aux rouleaux, d'ailleurs. Ouais, mais c'est plus simple, hein. Tu poses ta bagnole, ça lave tout seul. Alors, le Karcher, il faut faire le tour et tout. Ouais. D'ailleurs, à ce propos, en parlant de rouleaux, justement, le galérien du jour est donc responsable d'une station de lavage qui marche avec des rouleaux. C'est pas une station Karcher. Bon, le gars a pas eu de chance. Il regardait si tout fonctionnait bien. Puis tout à coup, le machin s'est mis en route. Le gars s'est fait aspirer par l'espèce de truc. Vous savez, Ah non, mais les rouleaux, c'est super puissant. Ah ouais. Il s'est fait aspirer. Il s'est retrouvé coincé dans le rouleau. Dans le rouleau, avec une broche géante qui a commencé à le nettoyer. Ça l'a lustré. Ah bah, il était tout propre. Voilà. Le mec tirait sur un tuyau. Il y a tout ça qui s'est produit d'un coup. Il comprenait pas. Et il a été obligé de se faire libérer par un de ses employés parce qu'il n'arrivait pas à sortir du truc. Bloqué dans le rouleau. Il y a la vidéo d'ailleurs qu'on va vous mettre sur le difool.skyrock.com et sur tous les réseaux de Skyrock. Vous allez pouvoir mater tout ça, car les caméras de surveillance, c'est quand même bien pratique pour pouvoir se foutre de la gueule du gars. Bon, il a rien eu, tout va bien. Ah bah tant mieux. Mais il est juste tout propre. Je suis d'accord avec toi, Romain, il faut éviter les rouleaux. Ouais, ouais. Hein. Ah, ça peut être dangereux. Ouais, là, c'est dangereux. Pas le top, hein. Il paraît qu'il y a des rouleaux qui ne rayent pas. C'est Pierrot de Mars. Ah non, ça c'est des mythos, ça. Ah là, c'est des rumeurs, ça. Excuse-moi. Arrête un peu, Cariole, tu vas nous énerver, Romain, là. Donc, ouais, ouais. Fais gaffe. Non, c'est des mythos, ça. Attention aux rouleaux. La prochaine fois, il fera une station de lavage sans rouleau, juste avec des Karcher, il sera tranquille. Ouais, gars, voilà, là. Moins de risques. On va appeler des gens, on va leur dire que la voiture est sale. Ça va te plaire, ça, Romain. Ouais, ouais. Allez, c'est parti. Allez. Le French Test sur Skyrock. Eh ouais, parce que nous, on supporte pas les voitures dégueulasses. On est un peu comme Romain et tous les toqués qui nous ont laissé des messages, là. Ah non, on est passé dans la rue, je me suis frotté sans faire exprès. Dégueulasse. Ah ouais. Dégueulasse, la voiture, quand même. Porcherie, ça. Bon, on salue ceux qui ont des voitures toutes sales. Il y a la Poule qui nous dit, moi je suis commercial, donc c'est pas top. À l'intérieur, il y a du manger et tout ça dedans. C'est un peu ta maison. Et ta maison sale, alors. Allô, Laurent. Laurent ? Oui. Oui, bonjour Laurent, comment vas-tu ? Ouais, ça va très bien. Et puis, et toi, ça va ? Ah bah ça va moyen, dis donc, j'ai vu ta bagnole, il faudrait peut-être la laver de temps en temps, hein. Ouais, ça m'arrive, souvent même de la laver. Ah non, bah t'as lavé assez souvent. Attends, ce matin, je suis passé à côté, je me suis frotté, j'étais en costume, je suis tout dégueulasse maintenant, moi. Ah ouais, mais c'est plutôt toi qui as dégueulassé ma bagnole, non ? Où je suis passé, j'ai enlevé la poussière, hein, c'est une porcherie, il y a de la boue et tout dessus. De la bouse également, il y a de la bouse. Ah, il y a de la bouse, ouais. Il y a de la bouse sur ta voiture, mais bien sûr depuis que tu l'as touché, ouais, il y a de la bouse, c'est normal. C'est ta faute, Romano. Ah, c'est d'accord, très bien. Ouais. Parce que j'ai mon chien, ça te dérange pas, il a pissé sur tes jantes. Ouais. Et mon poing sur ta gueule, ça te dérangerait aussi ? Bah peut-être que je vais venir directement chez toi pour te montrer comment on lave une bagnole. Ouais, allez, salut. Le chien a commencé déjà. Ouais. Il a fait Karcher avec son zizi. C'est vrai. Ah mais une fois, moi j'ai fait venir taper, hein. Pourquoi ? Parce que t'as fait pipi aussi, sur une voiture ? Non, le chien a fait pipi. Ah bah ça va alors. Le mec a pété un plomb, tu sais, j'avais pas vu qu'il était dedans. Le mec il est sorti, il me fout ma main dans la gueule, quoi. Ouais, ça m'est arrivé en Italie aussi. Ils avaient une grosse voiture, ils aiment bien leur voiture, les Italiens. Oui, bah comme les Français. Ouais, c'est vrai, je me suis fait engueuler parce que le chien avait fait pipi sur la jante. Bah, tu les menaces, la prochaine fois il fera caca. Non, je lui ai fait un gros doigt. Bon, la vidéo, allez la mater sur le difool.skyrock.com. La vidéo est du galérien du jour. Du mec qui se fait aspirer là. 6h-9h, The Morning Show. Le morning de Difool sur Skyrock. Baby, I like your stuff. Drinks on your ways, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like you so. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Down, I'll take it slow. Taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Le son de l'été, le son des vacances, découvert sur Skyrock, One Dance de Drake. On est jeudi matin, il est 6h43, le dernier jour du mois de juin et les meilleurs moments du morning de Difool à se faire tout au long de la matinée. Tout ce qui vous a fait le plus marrer l'année de Difool et Romano. On va parler des trucs qui nous énervent quand on est avec quelqu'un qui est au téléphone. Les 5 trucs qui nous énervent le plus. Il y a Difool qui va vous faire la liste, il y a aussi l'horoscope de l'amour, c'est dans 28 secondes. Géant. En ce moment, Géant régale tous les amateurs de bonne viande. Les côtes de porc côté Chine à griller, vendues par 12, origine France, sont à seulement 3,49€ le kilo. Géant pour vos barbecues de l'été. L'offre carnivore à prix fondant, c'est seulement chez Géant. Les prix bas, c'est Géant. Offre valable hors Corse. 6h-9h, Morning Best. Morning Show. Les meilleurs moments du morning de Difool sur Skyrock. Juste avant de retrouver Difool, Romano et Maître Gims, votre horoscope de l'amour, le tout dernier du mois de juin, 0 sur 5 de puissance amoureuse malheureusement. Pour les cancers et pour les vierges avec des regards intimidants qui pourraient refroidir l'ambiance, 1 sur 5 les balances et les sagittaires. Méfiez-vous des adeptes du culte de soi comme on en trouve un petit peu partout sur le net. 2 sur 5 de puissance amoureuse pour les béliers et pour les taureaux en contradiction avec vous-même. Vous serez d'ailleurs attiré par quelqu'un de contradictoire. 3 sur 5 de puissance amoureuse, les scorpions et les poissons vifs et plein de second degré, votre plat vif d'esprit et plein de second degré, voilà votre cote est à la hausse. 4 sur 5 de puissance amoureuse, les gémeaux et les lions, à la fois souriants et très sûrs de vous, vous êtes parmi les bons coups du jour. Et enfin, les capricornes et les verseaux, quelqu'un aura très très envie de vous et sera prêt à vous le prouver par la plus excitante des manières. Les capricornes et les verseaux, c'est 5 sur 5 de puissance amoureuse. Amoureuse, le Morning Best qui se poursuit avec Difool et Romano que vous retrouvez maintenant et Ma Beauté de Maître Gims. Et ce matin, on va parler des problèmes de téléphone. Vous savez, c'est les trucs qu'on fait tout au long de la journée et que, bon, vous, ça vous dérange pas quand vous le faites. Par contre, quand les autres le font, ça vous énerve. Vous savez, les trucs qui énervent, qui agacent les autres quand on utilise son téléphone. Ah, par exemple, quand t'es en train de bouffer avec quelqu'un et qu'il passe fort pas sur le téléphone. Ouais, on va voir si c'est classé parmi les 5 trucs qui énervent le plus les gens quand on est avec son téléphone. Oui, par exemple, c'est vrai, tu es avec quelqu'un, il arrête pas de mater son téléphone pendant qu'il est en train de manger. Ouais, ben moi, je le prends un peu comme si la personne, elle se fait chier avec toi, quoi. Bah ouais, moi, c'est pareil, tu vois. Quelqu'un qui passe son temps sur son téléphone, tu te dis, au bout d'un moment, je sais pas, t'es avec une meuf, tu viens de la rencontrer pour la première fois, elle est là, elle est sur son téléphone. Ouais, ok. Ah non, mais c'est qu'elle s'en bat les reins, la meuf. Ah, c'est vrai, tu le prends mal. Hein. Oui, oui. Et surtout, ce que tu prends le plus mal, c'est qu'à la fin du repas, c'est que c'est en plus, ça va être à toi de payer. Ah ouais. Fait passer le repas sur son téléphone. Oui, c'est vrai que c'est pas ça. Moi, il y a un autre truc, bon, je suis le premier à le faire, mais quand c'est les autres, ça m'énerve. Genre, quand t'es au feu rouge et que le mec de devant, quand ça passe au vert, il avance pas parce que le mec est sur son téléphone en train d'envoyer, je sais pas quoi, des textos. Ouais, il envoie un petit SMS. Ouais, ça va, comme ça, tranquille. Ou il regarde quelques petits trucs sur le net. Je sais pas, il traîne. Il va écouter, tu as l'appli Skyrock, par exemple. Il branche son appli Skyrock. Et toi, t'attends derrière et voilà. T'attends. Tu klaxonnes, hop, il allume son appli, tout va bien. Bon, qu'est-ce qui vous énerve chez les autres quand ils utilisent leur téléphone? Vous pouvez nous dire sur le 41-759, sur l'appli Skyrock, dites-nous vite. Et enfin, petit tour de table, petit tour de l'équipe. Ce matin, dans Chromano, tu nous as dit, moi, pareil, quelqu'un qui bouffe avec toi et qui passe son temps sur son téléphone. Bah, moi, et ou alors quelqu'un à qui tu parles et qui passe son temps sur son téléphone. Ouais, ça, ouais. Oui. Et l'autre truc, c'est en voiture. Moi, j'en ai dit deux. Là, je m'arrête à deux. Ah oui, ça suffit, Romano, parce qu'après, tu vas prendre toute la part des autres. Ouais. Et ils vont être jaloux dans l'équipe. Jaloux comme tout. Jaloux. Oui, Cédric. Bah, quand tu passes du temps avec une personne et qu'il est tout le temps au téléphone. Oh, il dit la même chose que nous. Il a dit la même chose que nous. Ah non, mais c'est hallucinant. Moi, j'ai pas dit au restaurant. Non, mais moi non plus, j'avais dit en général, moi. En général, Cédric, ouais. C'est vraiment hallucinant de copier comme ça. En général, vraiment, alors, Cédric. Il faut que tu trouves une autre idée. Faut que tu trouves un cerveau plutôt, Cédric, pour arriver à trouver des idées. Essaye de trouver une autre idée, tu arriveras peut-être plus qu'à nouveau cerveau. Une autre idée, il a déjà. Oui, c'est vrai, il est très hideux. Une autre idée, il a. Non, ça va. Carriole. Ouais, c'est quand je parle à Romano et qu'il m'écoute pas, ouais. Ah, c'est les relous. Ouais. Non. Ah, il est sur son téléphone, il regarde sa banque et tout ça, c'est ça? Ouais, il passe sa vie sur ses applis, ses Instagram, ses machins. Ouais, mais son appli Société Générale, son appli Crédit Agricole. C'est ça. Ouais, je sais, ouais, il arrête pas. Des fois, je lui parle, je lui fais, t'as entendu ce que je t'ai dit? Il me dit non. Par contre, j'ai perdu 10 euros. Non, parce que j'ai remarqué un truc, moi, je n'arrive pas à faire deux choses à la fois. Ah. Mais c'est comme tous les hommes d'ailleurs. Si, moi, j'y arrive, moi. Non. Ah, bah, tu as bien vu le matin, j'arrive à faire plusieurs trucs à la fois. Aucun homme n'arrive à faire deux choses à la fois, c'est scientifique. Bien sûr que si, Carriole. Et des fois, Carriole, alors, elle me fait des interrogations, elle me dit, ouais, t'as entendu? Je lui dis, oui. Elle me dit, alors, répète-moi ce que j'ai dit. Bon, là, je suis dans la merde. Et là, t'es mal, man. Bah, ouais, je suis mal, ouais. Et puis après, elle fait du boudin. Et toi, Rémi, c'est quoi qui t'énerve? Ah ben moi, rien. Voilà. D'accord, ok. Émilie aussi, moi, va s'acheter un cerveau. Voilà, hein, c'est bien. En tout cas, on a eu un témoignage poignant là. Oui, poignant. Alors, qu'est-ce qui énerve les Français, les Françaises? Eh ben, ça tombe exactement sur les messages que vous nous avez laissés là depuis tout à l'heure. Hein. Ceux qui ne calculent pas quand tu parles avec eux, qui sont sur leur téléphone tout le temps. Ouais. Bon, alors, je vous donne le classement. En 1, ceux qui marchent comme des zombies et qui regardent leur mobile et qui te rentrent dedans. Ça, c'est ce qui énerve le plus les Français. En 2, ceux qui matent leur téléphone, qui n'arrêtent pas de mater leur téléphone pendant un repas. Ça énerve les Français. Ceux qui parlent fort dans les transports. Ah ouais, on n'a pas dit ça. C'est vrai, ouais. On a pensé qu'aux applis, mais il n'y a pas que les applis. Ceux qui parlent fort dans les transports et qui en font profiter tout le monde. Ça me rappelle quelqu'un, ça. Ouais, moi aussi. Cédric. Carriole, mais c'est infernal, quoi. Dans la rue, d'ailleurs, on s'engueule à cause de ça. Elle hurle au téléphone. Bon, elle parle à ses parents, ils doivent être un peu sourds. Oui, non, mais ça. J'ai une grande voix, moi. Et puis des parents très sourds. C'est ça. Et je lui dis, bon, t'as entendu au bout de la rue. Alors je lui fais, chut. Et là, elle me fait, ah, ta gueule. Ceux qui écoutent de la musique à fond, 4 dans les transports ou dans une pièce, avec un casque, mais c'est tellement fort que tout le monde entend. Ou sans le casque d'ailleurs. Et en 5, ceux qui font des selfies partout et notamment avec des perches à selfies. Voilà ce qui énerve les Français. Fais gaffe, il y a eu des accidents, les mecs qui sont tombés d'une falaise à cause de ça. Hein. Oui, bon, heureusement, quand tu te balades dans la ville, t'es à peu près tranquille, mais c'est vrai que si tu es à la campagne, faut faire attention. Bah non, mais tiens, mettons en ville, tu te recules trop, tu te manges une bagnole, c'est con. C'est con, hein. Mais t'as une photo souvenir. Ah ouais, parce que ça, c'est con quand ah même. Ah bah oui. Ah, ouais. Ah bah c'est con. Et après, j'avais quoi en vrac? Ceux qui ne coupent pas la sonnerie au cinéma, ou dans les lieux publics. C'est vrai, c'est pénible. Et puis ceux qui prennent tout en photo, qui prennent des photos partout. Ah, il y en a, ouais. Voilà ce qui énerve les Français, c'est un sondage, le sondage du jour. 6h-9h, The Morning Show. Le morning de Difool sur Skyrock. Je ne t'ai pas donné tout mon amour. Je ne t'ai pas fait mon plus beau discours. J'ai encore envie de te faire la cour. Tu me verras sous un autre jour. Je suis devenu propre fantôme, face à moi-même je pleure comme un mot. Je me sens délaissé, je l'ai bien mérité. Ma beauté ne t'en va pas, beauté ne t'en va pas. Pourquoi tu me fais ça, pourquoi tu me fais ça? Ma beauté ne me laisse pas, ma beauté ne me laisse pas.

Paris, 18 à Lyon, 19 à Nîmes, 20 à Marseille. Dans l'après-midi, il fera 17 à Boulogne-sur-Mer, 19 au Havre, 21 à Vannes et à Lille, 22 à Nantes et à Paris, 24 à Bordeaux, 26 à Marseille et à Strasbourg, 27 à Toulouse, 29 à Lyon et 31 à Nîmes. La pollution, on respire plutôt bien. Les indices sont compris entre 3 et 4. Ça monte à 5 sur Avignon, Marseille, Toulon et Cannes. Macklemore Designer et Mike Posner qui se préparent pour le son. Et là, c'est parti pour l'actu. Et François Hollande qui se positionne clairement pour la campagne présidentielle. Le chef de l'État donne une longue interview au journal Les Échos ce matin. Tous les grands sujets d'actualité sont abordés, à commencer par les impôts. Il y aura bien une baisse l'an prochain pour les classes moyennes. L'effort de l'État représente 2 milliards d'euros. Le président qui tacle également la droite et s'en prend pour la première fois à Donald Trump qui brigue la présidence des États-Unis. Concernant le Brexit, François Hollande souhaite adapter la fiscalité française pour rendre Paris plus attractive. Il redit que la sortie du Royaume-Uni est désormais indéniable et irrévocable. Enfin, le chef de l'État évoque aussi la loi travail. Il affirme que l'article 2, qui est au centre des contestations, sera maintenu. Le recours au 49-3 à l'Assemblée n'est pas à exclure. La loi travail, qui était au centre des conversations hier entre Manuel Valls et les syndicats, le Premier ministre a tenté une opération déminage en présentant des amendements qui concernent les accords de branche. Un pas en avant, certes, apprécié par les syndicats, mais jugé trop timide, notamment par la CGT. Le secrétaire général de FO, Jean-Claude Mailly, affirme que le mouvement n'est pas terminé et dénonce un blocage du chef du gouvernement. Daesh est-il derrière le triple attentat suicide qui a frappé l'aéroport d'Istanbul? Pour le gouvernement turc, ça ne fait aucun doute. Même avis pour la CIA qui estime que c'est bien l'empreinte de l'État islamique. Il n'y a eu pour le moment aucune revendication. L'attaque a fait 41 morts et 239 blessés selon un bilan encore provisoire. On n'en sait plus sur le crash de l'avion égyptien qui devait relier Paris au Caire. Il y a bien eu de la fumée à bord de l'appareil avant le drame. Reste à savoir pourquoi cette fumée est apparue. Les experts trouveront certainement la réponse en analysant la deuxième boîte noire qui a enregistré la conversation des pilotes. Aucune thèse n'est écartée de l'attentat à la panne mécanique. 66 passagers et membres d'équipage, dont 15 Français, sont morts dans l'accident. La reprise de l'Euro ce soir avec le premier quart de finale. Portugal-Pologne au stade Vélodrome. C'est l'affiche donc de ce soir. Le Portugal est favori sur le papier. Mais attention à cette équipe polonaise. Le jeu proposé est plutôt intéressant et l'équipe n'a encaissé qu'un but depuis le début du tournoi. On verra ce que ça donne à 21h en direct, bien sûr, dans la Radio Libre. Et puis l'arrivée à Paris d'Unai Emery qui semble débloquer un peu le mercato. Rien de certain pour l'instant, mais des pistes qui se précisent de plus en plus. Thomas Meunier, déjà latéral droit du FC Bruges, serait sur le point d'arriver dans le club de la capitale. Le Diable Rouge, qui joue actuellement l'Euro, avait rendez-vous hier avec les dirigeants parisiens. Autre plan qui pourrait se concrétiser, l'arrivée de James Rodriguez, l'international colombien, n'est pas vraiment utilisé par Zizou au Real Madrid et il pourrait être vendu pour 65 millions d'euros. Enfin, la piste la plus probable et même la plus sûre, c'est Ben Arfa, ça y est, qui risque de se retrouver l'an prochain du côté de la capitale. C'est quasiment acté, tout est prêt pour l'ex-Niçois qui n'a plus qu'à s'engager officiellement. Paris lui propose un contrat de 3 ans qui pourrait être signé là, dans la journée. Donc forcément, attention, on va vous tenir au courant. Ok, et toi Rémi, on te retrouvera tout à l'heure dans la matinée pour l'actu et pour le sport. À tout à l'heure. Les meilleurs moments du morning de Difool. 6h-9h sur Skyrock. Morning show. Morning best. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. babe, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. C'est l'heure de gagner de l'argent, c'est l'heure des conseils pas chers, Romano. Allez, c'est parti, régime. Régime. Romano a son truc à lui pour lutter contre la crise. Les conseils pas chers sur Skyrock. Et oui, un métier qui rapporte en cette période, période d'avant les vacances d'été, période d'avant la plage, c'est le métier de diététicien ou de nutritionniste. Ouais, bah alors je vais pas arriver à le dire, je vais dire coach minceur. Coach minceur, allez, on fait métier voilà, de coach minceur. Ça va être plus simple parce que je sens que je vais galérer. Ouais, c'est les régimes dans tous les sens. Hein. C'est pas, tu peux pas regarder un site internet sans qu'on te propose un régime. Non, mais c'est vrai, tous les magazines féminins, c'est la... bon, de toute façon, c'est quasiment à l'année les magazines féminins. Il faut maigrir, c'est marqué. Il faut maigrir. Donc, tiens, on va vous donner de l'espoir. Il y a Déborah là qui est au téléphone avec nous, qui est en ligne de Toulouse. Bonjour Déborah. Bonjour Skyrock. Bonjour Débo. Salut Déborah. Salut l'équipe. Salut à toi. Donne de l'espoir à tout le monde. Il y en a qui veulent perdre des kilos. J'ai un Cédric à 95 kilos en face de moi. 93. J'ai un Rémi à plus de 90 kilos en face de moi. Ça facile. Ça pèse. J'ai un Romano qui a un tout petit bidon, mais ça c'est la bière. Ouais, c'est vrai. Non, c'est l'alcool, c'est vrai. Hein. Donc pour Romano, je sais, faut que t'arrêtes de boire de la bière. Mais pour les autres, tu faisais combien Débo, toi? Et moi, je faisais 130 kilos. 130 kilos, ah ouais, tu quand même. Et tu mesures combien? Ouais. 1m75. 1m60. Ah, t'es grande quand même. Ouais, t'es grande. Ah ouais, t'es grande. Ouais, ouais, ouais. Plus facile à porter les 130 quand on est grande. Et combien t'as perdu, ah oui, Débo? C'est clair. J'ai perdu 30 kilos en 6 mois. En 6 mois, 30 ah ouais, kilos. Pas mal. Ouais. Ouais, bravo. Ça vous donne pas de l'espoir, ça? 30 kilos en 6 mois, tu mérites un bip bip. Bravo. Un bip bip. Ah ouais. Merci. Félicitations à toi. Donc, t'as fait quoi? T'as fait attention à ce que tu bouffais? T'as fait attention à tout ouais, ça? Ouais, j'ai fait attention à ce que je mangeais et surtout, j'ai fait du vélo. Ah, faire du sport. Du sport. Du vélo, d'appartement vélo, ou dans la rue? D'appartement. Et tu pédalais en écoutant Skyrock. Allez. En écoutant Skyrock. En fait, ton mec, il a trouvé la solution et t'as coupé l'électricité. Le seul moyen d'avoir de l'électricité, c'est toi qui pédales. Ouais, faut pédaler. C'est voilà. Tu pédales, ma chérie, sinon, pas d'électricité, rien. Voilà, faut pédaler parce qu'il faut prévoir. Donc on peut perdre 30 kilos en 6 mois. Ce qui est quand même pas mal. Ça fait 10 kilos par tous les 2 mois. Donc ça veut dire que si vous commencez maintenant, eh bien, au mois de juillet, vous serez belle gosse et beau gosse avec 10 kilos en moins. Pas mal. Tu serais pas mal, Cédric, mais toi, ce serait plus 30 kilos qu'on a perdre, Cédric. Ouais. Hein. Bon, non, je vais te passer, Cédric, Débo. Tu bouges pas? Ok, merci. Et on te fait un gros bisou et on t'envoie un t-shirt Sky. Ouais, bonne journée, c'est gentil. Salut, Débo. Ciao, bye, bonne journée. Ciao. Et voilà, ça donne espoir, ça. Hein, bon, allez, je vais faire pédaler les familles. Allez, c'est parti. Allez, conseil pas cher, on y va. Hein. Conseil pas cher, tu es donc coach minceur. Exactement. T'as transformé donc diététicien et nutritionniste. Ouais, c'est la même chose. Hein. Pourtant, c'est facile à dire, hein. Allô. Même toi, t'as du mal. Allô. La femme de Pascal. Allô, c'est la femme de Pascal. Oui. Oui, bonjour. Est-ce que je pourrais parler à Pascal ici, il est dans le coin? Parce que Pascal nous a appelé pour ton petit régime d'avant les vacances. Ben oui. Il t'a pas dit? Il m'a envoyé une petite photo. Bon, j'ai vu un petit peu l'état. Il faut. Attends, c'est bon, vous arrêtez là. Non, mais c'est pas grave. Attends, ça arrive à tout le monde de prendre un peu de poids. Hein, ouais, c'est ça. Ouais, écoute, je vais venir te faire maigrir, ma chérie. Ouais, c'est ça. Je viens dans 5-10 minutes. Le temps que ton mari prenne sa douche, je te fais faire un peu de vélo et puis tu me donneras 100 euros. Le vélo, c'est 100 euros. C'est facile à retenir, ça rime. La course à pied, c'est 1 000 000 d'euros. Je trouve des rimes. Eh bien, je viens, ma belle. Tu es quand même très très sexy avec tes petits culots en trop. Et ton double menton. Non mais tu l'as vexé dès le début. Oui, j'ai pas voulu la vexer. Si, mais tu es allé trop brutalement. Attends, j'y étais trop brutalement. C'est toi qui as dit aussi qu'elle avait du poids en plus. C'est vrai. C'est vrai, je suis un très bon assistant minceur. Bah, coach minceur. Bon, attends, vas-y, je vais en rappeler une autre. Vas-y, on va chez José. Elle l'a très très mal pris, je ne comprends pas. Ah bon? Ah bah, essaye avec des... je sais pas. Essaye avec Cariole, tiens. Dis-lui. Cariole, t'as de la cellulite, dis donc. Non, elle a du ventre. Ah, bah oui, c'est la bière aussi. Romano, tu sais pas y faire avec les femmes. Allô, José. Oui, allô, José.

Leclerc. Ça, c'est un bon plan. La perceuse à percussion avec poignée de force et jauge de profondeur à 27,90€ chez Leclerc. Du 29 juin au 9 juillet, le très bon plan Leclerc, c'est la perceuse à percussion garantie 2 ans à 27,90€ au lieu de 34,90€, soit 7€ de réduction. Une perceuse comme ça, à ce prix-là, c'est que chez Leclerc. Vous avez toujours été pressé. Bien plus pressé que ça. C'est ça. Vous coupez court, vous rendez-vous chez le dentiste. C'est bon, merci. Je remplirai moi-même le trou. Vous attendez rarement les autres, moins pressé que vous. Est-ce que tu veux bien m'épouser quand ? Et quand vous voyez une barrière de passage à niveau qui se ferme, vous n'hésitez pas, vous... Accélérez, ouais, ouais, forcément, ils ont... Sur les rails, le danger est plus rapide que vous. Soyez attentifs au passage à niveau. Respectez le code de la route. Ceci est un message de SNCF et de la sécurité routière. 6h-9h sur Skyrock, Morning Best, Morning Show. Les meilleurs moments du morning de D-Fool. Bon, on va parler musique là maintenant, musique, et on va découvrir la musique un peu internationale. Ouais. Avec un truc que j'ai envie de vous faire entendre. Écoutez bien, il faut me dire qui est-ce que cet artiste albanais essaye de copier. En fait, c'est un peu un sosie artistique, comme on dit. Bah, c'est le sosie albanais d'un artiste. D'un artiste qu'on vous passe sur Skyrock et que vous avez découvert ici. C'est la réponse que vous allez devoir nous donner au 01 53 40 30 20. Le seul jeu du morning qui marche sans question de sélection, le jeu du banquier. T'es prêt, Romano ? Prêt ! Un son pour choper le maximum de blé. C'est le jeu du banquier sur Skyrock. Écoutez bien ce son et appelez-nous dès que vous savez à qui ressemble cet artiste, à quel artiste français il a emprunté son style. Vous nous passez un coup de fil au 01 53 40 30 20, vous nous appelez. Écoutez bien, il s'appelle Mashk et il est albanais. C'est Mashk. Facile, non ? Ouais, facile, ouais. Dès qu'on a entendu ça, on s'est dit, mais c'est pas possible. Il parle albanais. Mais non, ce n'est pas un artiste français qui parle albanais, mais à qui il vous fait penser ? Voici donc les premiers qui arrivent au 01 53 40 30 20. Attention, 500 euros sont en jeu. Oui. À chaque mauvaise réponse, j'enlève 100 euros. Et là, il est content, c'est pour ça que c'est son jeu, à Romano. Alors, attention. C'est toi le banquier. Allô, allô. Qui commence ? Eh bien, c'est le premier ou la première qu'on a en ligne. C'est qui ? Allô. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Bonjour, c'est ça qui ? Moi, c'est Emma. Eh bien, bienvenue à toi, Emma. T'appelles d'où ? J'appelle de Lyon. De Lyon. Emma de Lyon. Alors, à qui te fait penser ce monsieur ? Maître Gims. T'es sûr que s'il te fait penser à Maître Gims ? Oui. Gims ou pas Gims ? Bah oui, Gims. Bah oui, oui, bah oui. Bah en même temps, putain, les messages, mais oui, tout le monde. Bon, sauf un ou deux qui ont mis de Joule. Oui, Georges Clooney aussi. Et Georges Clooney, bien sûr. C'est le sosie de Maître Gims, écoutez ses morceaux. On a le sosie, mais il lui ressemble physiquement, non ? Un peu, enfin il est. Il essaye, mais il a du mal. Il essaye, il est un peu habillé comme lui, il fait la même gestuelle dans les clips. Ouais. Ah ouais ? Ah ouais ? Maître Gims inspire le monde entier. Vous savez que Maître Gims, c'est numéro 1 en Italie actuellement. Ouais, c'est vrai, ouais. Emma, on peut te l'annoncer, Romano est un peu déçu parce que t'as tout gagné. Hein. Eh ben, tu as gagné, Emma, 500 euros ! Wow ! 500 euros pour toi en direct ce matin sur Skyrock. Je suis trop contente. Merci beaucoup. Tu peux. Je t'avais dit. Ça sent mal, on met pas 10 secondes. J'essaie de gagner le matin, etc. Je suis vraiment trop contente. Merci, ça. Ah là, t'as gagné. Ah bah merci beaucoup. Ah bah de rien, Emma. T'es contente en tout cas. Eh ben oui, je t'avais dit de prendre ton téléphone entre les mains et de nous appeler dès que vous aviez la réponse. Bravo, Emma. Tu as 500 euros qu'on va t'envoyer à la maison. Et donc, le maître Gims albanais s'appelle Mushk. Ça s'écrit M-A-J-K. Et on va vous mettre la vidéo de Mushk. C'est Mushk. Mushk qui se prend pour Maître Gims. Je sais pas s'il est au courant, Maître Gims. La prochaine fois qu'il va venir nous voir, on va lui en parler. Ah bah oui, on va lui faire écouter même. Ouais, le maître Gims albanais. Allez, juste un petit bout pour se faire plaisir. Les instrus, elles ressemblent aussi quand même. Hein. Ah non, mais tout, ouais. Ah ouais. J'aime la voix. Oui, c'est un sosie carriole. Jalousie. Monsieur sur Skyrock. Carriole vient de remarquer. Ah, mais la voix, elle ressemble. Oui, c'est le sosie artistique de Maître Gims. Tiens, si vous en repérez d'autres, des gens qui essayent de copier d'autres gens, des stars, tout ça, dans des pays, vous nous faites signe. On en parlera dans le morning. Donc, gros bisous, Emma, et 500 euros. Ah, merci encore, l'équipe. Bisous, ciao. Bisous, ma chérie. Ciao, Emma. Ciao. 6h-9h. Morning Show. Le morning de D-Fool sur Skyrock. I got broads in the London, she said don't lean the family.

Oh, sad songs, sad songs. Pellini Biza, le son de Mike Posner sur Skyrock. 7h35, l'iPad mini en jeu dans moins de 10 minutes. On va vous poser une question sur ce qui se passe actuellement dans l'émission. Notez bien, prenez des notes, retenez bien. Le ou la plus rapide à donner la bonne réponse au 41-7-5-9 repartira avec l'iPad mini. Les meilleurs moments du morning de Difool, c'est tous les matins sur Skyrock dans le morning best. C'était il y a quelques semaines. Les pénuries d'essence, Romano avait profité de la situation pour gagner un peu d'argent. On se remet ça maintenant. Et Escrew derrière Escrew, c'est l'un des groupes de Nekfeu, c'est J'aurais pas dû. Oui. Alors, oui, bonjour madame. C'est la femme de Michel. C'est la femme de Michel ? Oui. Oui, est-ce que Michel est dans le coin ? C'est à propos de sa voiture. Ah, bah attendez, je vais aller, parce que nous sommes en vacances. Ah, ouais. Ah ben je vais le réveiller. Ah ben réveillez-le donc. À propos, c'est monsieur Couronel ? Eh ben oui, monsieur. Ah ben attendez, monsieur Colonès. Et je vais le chercher, monsieur. Ah ben oui, c'est moi, monsieur Colonel. Tu es monsieur Colonel. Ouais, c'est ça. Tu as des grosses Colonel. Non, tout petit. Des noisettes. Ah, lui, tu le siphonnes. Ouais, ben alors attends, s'ils sont en vacances, c'est au bout de la France. Bon, sinon, je prends carrément la bagnole. Oui. Mais je pense que c'est son garagiste. Attends, il va falloir... Je veux dire qu'il y a un problème, on est obligé de... C'est vrai, mais qui est ce monsieur Colonès ? Oui, bonjour, comment ça va ? Bonjour, monsieur, ça va, je suis en vacances. Votre femme m'a dit. Bon, oui. Votre voiture, on en fait quoi ? Parce que vous l'avez déjà ? Ah bah oui, je l'ai déjà, j'ai été la récupérer, là. Oh là là, moi, mon prix n'est pas encore arrivé. Ah bah merde ! Bon, bah ce que je fais, parce que là, justement, ce matin, vous savez, avec le problème d'essence, là. Oui. Oui, bah je vais siphonner votre voiture. En attendant. De toute façon, vous rentrez quand ? Pas besoin. Non, bah, de manière, je suis chez moi. Hein. Ouais, mais vous êtes en vacances. Vous n'avez pas besoin de votre voiture, là. Non, je n'ai pas besoin. Bon, bah, écoutez, nickel. En attendant que ça revienne, je vais siphonner la voiture. Ah bon ? Ouais, mais je vous en remettrai un peu après. Hein. Ouais, d'accord. Ah, bah, voilà. Ah, bah, je vous dérange pas plus longtemps. Merci. Non, vous ne dérangez pas. Non, de toute manière, le prêt, de manière, il est lancé. Je pense qu'elle avait dit 10 jours. Donc, d'ici 2-3 jours, c'est bon, quoi. Bah, j'espère que vous arriverez à la rattraper, le prêt que vous avez lancé. Bon, bah, écoutez, en tout cas, c'est sympa de votre part. Je siphonne la voiture. Quand vous rentrez, vous en aurez, vous inquiétez pas. D'accord. Ah, bah, merci. Bonne journée. À et profitez aussi, bien des vacances. Hein. Allez, merci. Au revoir, monsieur. Ouais. Au revoir. Et hop là. Premier conseil pas cher chez les familles réussies. Ah, bon. Ah, bah, là, c'est le plan rêvé. Maintenant, comment éviter les fils ? Allez, vas-y. Les fils d'attente. Alors, la direction, la station service. Qui fait ma femme enceinte ? Cédric. Allez, vas-y. J'hésitais entre Cédric et Rémi. Et Cédric est quand même le meilleur. Allô ? Allô ? Oui, allô ? La station service ? Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Vous avez du carburant chez vous ou pas du tout ? On donne qu'aux véhicules prioritaires. Ah, voilà, bah, je vais pas, je peux passer parce qu'en fait, je vous explique, pardon, excusez-moi, je panique un peu. Ma femme est enceinte, il faut que je l'emmène absolument à la maternité, je suis sur la réserve, je peux passer prendre, admettons, 5-10 litres. D'accord. Je vous fais un signe quand j'arrive à la pompe. Comme d'accord. Ça, je passe en priorité. D'accord. Elle a perdu ses os, là. Ah oui, elle a perdu ses os. Oh, les pères. Elle les perd. Ah, c'est perdu, là. Bah, écoutez, on arrive rapidement, là. Oh, elle perd les os. Ah ouais, là, elle arrête pas de perdre. Alors, bah, chérie, t'en as foutu partout sur Cédric, le siège. Cédric, c'est pas par là qu'il sort le bébé, mais bon, c'est pas grave. Merci, madame. Merci. Bravo, Romano. 6h-9h. Oh, les shows. Le morning de Difool sur Skyrock. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la White Widow. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant je bade. Mais c'était pas la White Widow. J'ai fait du mal à ma petite bille. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes fous. J'ai déconné, j'aurais pas dû. J'trahis pas mes peurs. Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes fous. Je sais que je vais recommencer. Pourtant c'est fou comme on s'aime. Je sais que je vais recommencer. Toi-même tu sais comment c'est. Quand

Ceci est un message de SNCF et de la sécurité routière. Morning Best. Morning Best. 6h-9h. Morning Show. Les meilleurs moments du morning de Difool sur Skyrock. Et juste avant de retrouver Difool, Romano et le réveil de star d'Omar Sy, votre horoscope de l'amour, il est 8h moins le quart, on est le jeudi 30 juin, c'est 0 sur 5 de puissance amoureuse, malheureusement pour les cancers et pour les vierges avec des regards intimidants qui pourraient refroidir l'ambiance. 1 sur 5, les balances et les sagittaires, méfiez-vous des adeptes du culte de soi, comme on en trouve un petit peu partout sur le net. 2 sur 5 de puissance amoureuse, les béliers et les taureaux, en contradiction avec vous-même, vous serez aussi vous-même attiré par quelqu'un de contradictoire. 3 sur 5 de puissance amoureuse, les scorpions et les poissons, vifs d'esprit et pleins de second degré, votre cote est à la hausse. 4 sur 5, les gémeaux et les lions, à la fois souriants et très sûrs de vous, vous êtes parmi les bons coups du jour. Et enfin, les capricornes et les verseaux, quelqu'un aura très très envie de vous et saura vous le prouver par la plus excitante des manières, les capricornes et les verseaux, avec 5 sur 5 de puissance amoureuse. On prépare par le son Aga Den Soul de Ken Jones sur Skyrock. Et là, c'est parti, le réveil de star d'Omar Sy dans le Best Morning, Morning Best. C'est l'heure d'en trouver Omar. Bonjour, ça va ? Ça va, Omar, ça va. On est content de te retrouver, Omar. Ça nous fait plaisir que tu sois là ce matin. Tu es l'acteur préféré des Français. Tu es le meilleur. C'est un putain de lèche-cul, en fait. Mais non, je le pense. Je dis bravo. Mais ouais, Omar, bravo. L'ensemble de l'équipe est là. C'est-à-dire Romano, Cariole, Cédric, ouais. Karim, Rémi. Tout le monde est là pour toi ce matin. C'est l'heure de retrouver Omar Sy. Non, je déconne. Non. Bah là, il va falloir y aller, Omar. Là. Il déconne. Non, on va le faire sérieusement. C'est le réveil de star. Oui. Le réveil de star. Une star, un appel. Oui. On écoute. Tous les matins, une star réveille les familles de France. Aujourd'hui, c'est Omar. Les familles de France, c'est d'ailleurs, on a décidé d'aller en Belgique ce matin. Oui, qu'on connaît bien Omar Sy. On a vu les sondages, on sait qu'Omar est l'acteur préféré des Français. Nous aussi, on l'aime beaucoup. Omar Sy, ah ouais. Dubois. Omar. Très drôle. Bah ouais, que c'est une blague belge. Ah oui, c'est pour ça. Que nous avons beaucoup d'humour. Et bien justement, on s'est dit, on va tester quand même la popularité d'Omar Sy chez nos amis belges pour voir si c'est, ça s'ouvre à l'international pour Omar. Omar Sy à bientôt. Il est déjà reconnu. Omar Sy sauteuse aussi, non? Ah oui. Oh excellente celle-là. Je vous payerai un cornet de frites, monsieur. Merci beaucoup. Et bien justement, là, il file chez Thierry, le belge. Omar Sy, réveille. Thierry, c'est sur Skyrock. Allez. Dans le réveil de star. Chez la Belgique. Allô? Oui. Bonjour, ça va? Oui. J'ai un truc à te montrer. Oui. Tu vois ce mec-là? Il se fait appeler Van Gogh. Van Gogh? Van Gogh. Le peintre Van Gogh? Voilà. Van Gogh, c'est un gitan qui organise des parties de jeux clandestins. Ah, bah non. Votre femme était une fidèle cliente de Van Gogh. Non, pas du tout. On a vérifié les comptes de ta copine. Elle était interdite bancaire. Ah, non, c'est une erreur, là. Un an sans moyen de paiement. Pas du tout. Elle jouait tous les jours. Et les témoins l'ont vu. Oui, écoutez, vous arrêtez, sinon j'avertis la police. Oula. C'est clair? 100 000 euros en cash, il vient d'où le blé? Vous vous trompez de personne. Gros menteur. Oui, c'est vous qui êtes menteur. Attention à ce que vous dites, hein. C'est chaud pour ta gueule, très chaud. Non, c'est pas chaud pour moi. Parce que moi, je suis dans mes bottes. Tandis que vous n'êtes pas, vous êtes un menteur, vous êtes un escroc. C'est clair? Eh, mais t'es malade, faut pas parler comme ça. T'as jamais pensé à consulter ou quoi? Alors, vous avez compris? Maintenant, ne m'a pas plu parce que sinon, moi, j'appelle. Je vais voir mes collègues, hein. T'es un putain de lèche-cul, en fait, toi. Oui, je t'emmerde, mon vieux, c'est clair? Préparez-moi un café, j'arrive. Ouais, t'arrives. Eh ben, viens. Ça va être ta fête. Ah, c'est-à-dire? Allez, eh ben, tu verras. T'es comme ça, toi? Un peu coquine et tout? Ah, j'aime bien. Ouais, vas-y. Eh ben, non, ça va? Non, je déconne. Tu arrêtes ta connerie, hein. Au revoir. Au revoir. T'inquiète pas, j'ai ton numéro. Au revoir. Au revoir. Nous aussi, Omar, on a le numéro de Thierry, le Belge. Ben, que ce n'est pas le bon numéro, hein. Eh bien, écoutez, je trouve que ça s'est même très bien passé. Oui. Ah bah oui. Ah, pas vous? Ben oui, que c'était bonne ambiance. Vous trouvez pas que c'est bien passé? Non. Viens, on va faire un truc tous les deux, il lui a dit. Bah oui, c'est vrai, non. C'est sympa ça. Bah oui, hein. Viens, ça va être ta fête, qu'il lui a dit exactement. Bah que ça va être ta fête. Il va inviter ses collègues. Donc vous l'avez entendu ce matin sur Skyrock, Omar Sy est invité à faire la fête chez les Belges. Omar, si tu nous écoutes, on t'embrasse. Et puis n'oublie pas, tu pourras aller faire la teuf, tu vas t'éclater comme un petit fou. Hein, comme un petit foufou. Chez Thierry. Thierry le Belge. 6h-9h. Oh, les shows. Le morning de Difool sur Skyrock. Hola. Hola, na. She telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson.

I see potential, I just gotta see it through. If you had a twin, I would still choose you. I don't wanna rush into it if it's too soon, but I know you need to get done, done, done, done. If you come over, we just need a face to face. You could pick the time and the place. You'll spend some time away. Now you need to forward and give me all the work, work, work, work, work, work. It's send me up and work, work, work, work, work, work. You see me do my da, da, da, da, da, da. So me better work, work, work, work, work. When you walk out, la, la, la, la, la, la. When the character matter, tur, tur, tur, tur. Morning Best. Morning Best. 6h-9h. Morning Show. Les meilleurs moments du morning de Default sur Skyrock. Tout pile 8h, on est jeudi matin, le 30 juin, le week-end qui approche. Voilà, bon ça y est, on voit le bout. Nous on est content de vous réveiller, de passer la matinée avec vous. On se refait l'année de Default et Romano toute l'année. Entre 6h et 9h, ils vous ont réveillé en direct, ils vous ont fait marrer. On se fait les meilleurs moments tous les matins sur Skyrock avec les conseils pas chers de Romano qui se préparent. On va parler rangement dans les conseils pas chers. Qui range tous les combien, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois peut-être. Pour certains, du son aussi en prépa, il y aura Sopra, Soprano avec Le Diable ne s'habille plus en Prada. Non, non, non, non, le diable s'habille plus en Prada. Rihanna aussi dans la roulette, il y aura des places à choper d'ici à 9h pour la grande tournée Skyrock. Et là l'actu et le sport, on fait un point. Rémi, let's go, le temps pour aujourd'hui, mitigé, bon, bof. Ouais, c'est mitigé, c'est moyen, on a de la grille, enfin du gris, pas de la grille, hein, de la grisaille ou du gris au choix. Et de la pluie sur une grande partie nord du pays, on a des nuages là dès ce matin, d'ouest en est, hein, de la Bretagne à la Lorraine en passant par la Normandie et l'Île-de-France. Pas de changement ailleurs, avec un ciel bien dégagé dès ce matin. Il fera très beau cet après-midi dans le sud-est et sur la Corse. Les températures, 13 degrés à Poitiers, 14 à Lille et à Beauvais, 15 à Brest et à Orléans, 16 à Saint-Étienne et à Paris, 18 à Lyon, 19 à Nîmes et 20 à Marseille. Dans l'après-midi, il fera 17 à Boulogne-sur-Mer, 19 au Havre, 21 à Vannes et à Lille, 22 à Nantes et à Paris, 24 à Bordeaux, 26 à Marseille et à Strasbourg, 27 à Toulouse, 29 à Lyon, 31 à Nîmes. La pollution et on respire bien, les indices compris entre 3 et 4, ça monte à 5, mais seulement sur Avignon, Marseille, Toulon et Cannes. Les 21 pilotes, Justin Timberlake et Drake aussi, tout ça, c'est du son d'ici à 8h30. Alors on y va pour la Q. Et François Hollande qui se pose clairement pour la future campagne présidentielle. Ça y est, le chef de l'État donne une longue interview au journal Les Échos ce matin. Tous les grands sujets d'actualité sont abordés, à commencer par les impôts. Il y aura bien une baisse l'an prochain pour les classes moyennes. L'effort de l'État représentera 2 milliards d'euros. Le président qui tacle également assez sévèrement la droite et s'en prend pour la première fois à Donald Trump qui brigue la présidence des États-Unis. Concernant le Brexit, François Hollande souhaite adapter la fiscalité française pour rendre Paris attractive. Enfin, le chef de l'État évoque aussi la loi travail. Il affirme que l'article 2, qui est au centre des contestations, sera maintenu. Le recours au 49-3 à l'Assemblée n'est pas à exclure. 280 emplois directement menacés à Toulouse. Le fabricant informatique Intel aurait pris la décision de fermer l'un de ses sites basés dans la ville rose. Les premières lettres de licenciement pourraient être envoyées en janvier 2017. L'entreprise américaine avait annoncé un grand plan de restructuration avec la suppression de 12 000 emplois dans le monde. Un drame hier en Dordogne, non loin de Bergerac. Une explosion a eu lieu dans un entrepôt de feux d'artifice. Deux hommes de 48 et 50 ans ont été tués. On ne connaît pas les raisons de cette explosion. Une enquête a été ouverte. Un salarié de la même entreprise avait déjà été grièvement brûlé en août dernier. Une disparition inquiétante signalée dans les Hautes-Pyrénées. Mélissa, 15 ans, n'a plus été revue depuis mardi. Son père l'a déposée devant une entreprise où elle devait commencer un stage. Elle ne s'est pas présentée dans les locaux de la société. Un appel à témoins a été lancé par la gendarmerie qui privilégie la thèse de la fugue. La reprise de l'Euro ce soir avec le tout premier quart de finale de la compétition, Portugal-Pologne. Ça se joue donc au stade Vélodrome. Le Portugal est favori sur le papier, mais attention à cette équipe polonaise. Le jeu proposé est intéressant hein, depuis le début du tournoi et l'équipe n'a encaissé qu'un seul but. Donc forcément, danger pour le Portugal de Ronaldo. On verra tout ça en direct avec Default dès 21h. Et puis l'arrivée à Paris d'Unai Emery qui semble débloquer un petit peu le mercato. Rien de certain pour l'instant, mais des pistes qui se précisent de plus en plus. Thomas Meunier d'abord, le latéral droit du FC Bruges, qui serait

Ah, bon, ouais. Il y a une pas fois une par fois par an. Voilà. Une fois par an pour Cédric, j'ai pas les résultats. Voilà, voilà. Mais il est claqué ton sondage, il y a même pas mon chiffre à moi. Allez, on file chez les familles. Allez. Romano, Romano, le plus grand escroc de la radio, c'est les conseils pas chers sur Skyrock. Attention, attention, c'est parti. On va chez les gens, c'est le bordel chez eux. Bonne chance Romano pour tes conseils pas chers. Tu as 2 minutes pour réussir. Okay. 2 minutes, montre en main. Oui, allô. C'est bonjour madame. Oui, bonjour madame. C'est la femme à Daniel. C'est la femme à Daniel. Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Daniel m'a contacté, en fait, il m'a dit que vous faisiez absolument pas le ménage et le rangement. Donc, non, mais attendez. Ah, bah écoutez, madame, remplissez votre devoir conjugal quand même. Vous foutez de ma gueule? Ah, bah pas du tout, donc ce matin. Si. Ah, bah non, bah ce matin, c'est dommage que vous téléphoniez en privé, hein. Ah, bah je vais venir dans 5 minutes, de toute façon. Oui, c'est ça. Je viens avec le balai, la serpillière, je range un peu chez vous. Vous me faites chier. Oh, bah écoutez, madame, faites le ménage plutôt au lieu de crier. Elle crie, la dame. Oh. Elle crie. Ah non, mais si elle est maniaque du ménage et que tu lui dis que c'est mal rangé, c'est comme une insulte pour elle, Romano, je te le dis. Ah ouais. Dieu, même si tu as été très poli avec la dame, pour elle, c'est comme une insulte. Tu dis ça par exemple, je sais pas, à ma mère que c'est mal rangé. Ma mère est complètement maniaque du ménage aussi. C'est souvent les femmes quand même. Ah, c'est les hommes. Ma mère, elle lave le parterre après chaque repas. Ah ben elle a raison, elle aussi. Allô, allô Joël. Salut Joël. Allô Joël. Oui. Oui, bonjour, comment vas-tu? Ça va. D'Ivoire, je me permets de te contacter. La dernière fois, je suis passé devant chez toi, j'ai regardé par tes fenêtres. Mais jamais vous faites le ménage et le rangement chez vous? Pourquoi? Bah, t'as vu le foutoir que c'est? Oh, c'est un bordel. Mais c'est une vraie porcherie là-dedans. Ah ouais, Mais qui vous êtes? Bah, moi, je suis un particulier, je travaille pour la Fée du Logis. Et je voulais te proposer de venir faire un peu le ménage chez toi contre un peu d'argent. Hein. Non. Ah, si, je vais venir. Hein. Mais même mon cochon domestique, Cédric, ne voudrait pas vivre là-dedans. Oh ouais. Ah non, je veux pas, non. Ah, il veut pas, tu vois. Est-ce que je peux passer te voir? Non. Allez. Non. Bah, sois sympa, je passe dans 5 minutes, je fais un peu le ménage. Je te prends 50€ de l'heure, vraiment un tarif d'ami. Ouais, mais tu vas te faire foutre. Ah bah, ailleurs. Je viens dans 5 minutes avec mon balai. Oui. Moi, je casse la porte avec mon balai. Hein. Ouais, viens. Ah bah, je viens alors. Quand même, on y arrive. Prépare la monnaie. Ouais. Eh ben à tout de suite. Merci mon Lionel, mon je sais plus comment. Joël. T'as un pouvoir de persuasion Romano qui est assez exceptionnel. Non mais j'ai déjà vu à la télé, tu sais, les vendeurs qui te cassent les couilles, qui te forcent à acheter des trucs. Moi, je fais pareil qu'eux. Eh ben t'es aussi bon qu'un vendeur qui casse les couilles. Bravo Romano. Merci. On t'a laissé 2 minutes. Eh ben on les a eu les 2 minutes. Super. 6h-9h. The Morning Show. Le Morning de Default sur Skyrock. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose. Same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at our face, singing, wake up. To make money, yeah. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time.

meilleur moment du morning de Difool. 6h-9h sur Skyrock. The morning show. Et on remet le Romano d'or ce matin à un chauffeur routier qui a volé de l'essence, qui a siphonné de l'essence dans un paquet de camions. Et donc, pas à moitié il a fait ça. Pas à moitié, il a récupéré 4000 litres de carburant quand même. Ouais, c'est beaucoup. En siphonnant. Le mec doit avoir une bouche mais musclée comme les comme mes bras. Ah non mais je pense que le mec, tu sais que je pense qu'il a les vrais voleurs ils ont une pompe. Hein. Ouais, ouais. Ah il a une pompe. Ah bah oui. Ça marche bien ça. Parce que l'autre fois je regardais au journal de 13h, il y avait une bonne femme qui essayait de siphonner sa voiture là quand il y avait la pénurie pour enfiler une copine. Et la meuf en fait en direct elle fait ouais, attendez je vais vous montrer. La meuf elle s'est pris du gaz dans la gueule. Hey, c'est tout un art d'être voleur. Ah bah ouais, c'est un métier de siphonner. Hein. Voleur siphonneur. On a Sébastien en direct avec nous du côté du 41. Bonjour Sébastien. Salut Diffoul, salut l'équipe. Salut Seb. Salut. Combien de camions a-t-il siphonné le voleur du jour? 23 camions. Ah ouais, quand même. Eh ouais, ah, joli. Joué, il y a eu plein de messages qui pensaient en dessous, mais non, c'est 23 camions et 4000 litres de carburant. Bah bravo à toi. Bon, il s'est fait choper par les keufs. Parce que le mec, en fait, à 6 reprises, il est allé au même endroit. La première fois, ça a marché, il était content. Deuxième fois aussi, troisième fois aussi. Bon, au bout de la sixième, il s'est quand même fait choper. Hein. Ah ouais. Désolé pour lui. C'est con. Et donc, le voleur du jour, je te le remets, Romano, tu l'appelleras personnellement tout à l'heure pour le féliciter. Bah, je vais déjà attendre qu'il sorte de prison, de garde à vue. De garde à vue. Je sais pas d'où, mais je l'appellerai, oui. Bon, c'est l'heure du chrono tune, Sébastien. T'as 300 euros sur ton compte, il va falloir les garder les 300 euros. Eh ouais, parce que chaque seconde, on enlève 10 euros. C'est la dure loi du chronotune. La dure loi du chronotune. Le chronotune. Tu sois plus rapide que le chrono et empoche la thune. Bon, une question super facile ce matin. Faut juste aller très très vite. Il faut me donner 5 choses qui ont besoin de carburant pour fonctionner. Top chrono. Moissonneuse, voiture, mobilette, karting. 4. Et camion. Ouais, c'est vrai. Bravo. Allez, c'est bon. Bravo. Voiture, moto, scooter, camion, avion, hélicoptère, tronçonneuse, Formule 1, tondeuse, taille A, groupe électrogène, pompe à eau, etc., etc. Je serais très bon à ce jeu, moi. Ouais, en tout cas, franchement, bravo, parce que je sais pas où t'as été, mais cherche la moissonneuse. J'avoue. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que ça marche. C'est vrai. En campagne, alors j'envoie tous les jours. Ah, bah voilà. Et il te reste 23 secondes, donc ça fait 230 bien. Euros. Bravo. C'est bon, toi. 230 euros. C'est bien, tu donnes la réponse 23, tu gagnes 230 euros. Euro, le 23 est ton chiffre du jour, Sébastien. Bravo pour le chèque. 230 euros à la maison, c'est parti du côté de Blois. On t'embrasse, Seb. Bonne journée à toi. Salut, cool, Seb. Bonne journée, c'est cool, super. Et reviens vite. Hein. Salut, ciao, Sébastien. Ciao, ciao, Seb. Ciao, ciao, l'équipe. 6h-9h, le morning de Difool sur Skyrock. Baby, I like your stuff. On your ways, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Down, I'll take it slow, make you lose control. Wet, 'cause if you're down, 'cause if you're down. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Encore un son que Skyrock vous a passé avant les radios. One Dance, Drake sur Skyrock. Morning Best. Morning Best. 6h-9h. Morning Show. Les meilleurs moments du morning de Default sur Skyrock. Skyrock. Le 30 juin, jeudi matin, dernier jour du mois de juin, 8h29, dernière demi-heure de l'émission. Des premiers sur la déconne, même pendant l'été, avec tout ce qui vous a fait le plus marrer dans le morning de Default. On va vous donner le classement, le top 10 des métiers qui stressent le plus. Ça fait partie de l'actualité. On aura aussi le réveil de Star. On va utiliser la voix de Joey Star pour réveiller des familles. Il y aura l'horoscope de l'amour. Vos places aussi à gagner pour la tournée Skyrock de Rihanna. On reparle de tout ça dans quelques minutes. Ma beauté ne me laisse pas. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, Maître Gims. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité. Le numéro 1 Skyrock qui raide la bande son de Camping 3 avec Ma Beauté juste après l'actu le sport. Rémi, let's go, le temps pour aujourd'hui? Oh, c'est pas terrible le temps pour aujourd'hui. De la grisaille, de la pluie sur une grande partie du nord. On a des nuages déjà ce matin d'ouest en est, de la Bretagne à la Lorraine en passant par la Normandie et l'Île-de-France. Des orages possibles également dans le sud-est sur les Alpes. Pas de changement ailleurs. Le ciel est relativement dégagé. Par contre, il va faire très beau cet après-midi si vous êtes autour de la Méditerranée et en Corse. Les températures ce matin, 14 degrés à Lille et à Blois, à 15 à Laval et à Limoges, 16 à Nancy et à Paris, 18 à Lyon, 19 à Montpellier, 20 à Marseille au meilleur de la journée, 18 à Cherbourg, 20 à Caen, 21 à Lille et à Alençon, 22 à Orléans et à Paris, 23 à Poitiers, 25 à Nevers, 26 à Marseille, 27 à Saint-Étienne, 29 à Lyon et 31 sur le pont d'Avignon. La pollution respire bien, les indices compris entre 3 et 4, ça monte à 5 sur Avignon, Marseille, Toulon et Cannes. Il y aura aussi Calvin Harris et Rihanna avec This Is What You Came For et là c'est parti pour l'actu. Une entrée en campagne qui ne dit pas son nom, il y aura bien une baisse des impôts l'an prochain pour les classes moyennes, annonce faite par François Hollande. L'effort de l'État représentera 2 milliards d'euros. Le président s'exprime longuement ce matin dans la presse. Il tacle la droite, s'en prend aussi à Donald Trump, qui brigue, vous le savez, la présidence des États-Unis. Concernant le Brexit, François Hollande parle d'une décision irrévocable et souhaite adapter la fiscalité française pour rendre Paris plus attractive. Enfin, le chef de l'État évoque également la loi travail. Il affirme que l'article 2, qui est au centre des contestation sera maintenue. Le recours au 49-3 à l'Assemblée la semaine prochaine n'est pas à exclure. L'entrée en vigueur demain, pour le 1er juillet, du nouveau compte pénibilité. Il se veut plus complet et permettra aux salariés du privé de partir plus tôt en retraite selon la difficulté, la pénibilité donc de leur métier. Elles sont concernées ceux qui ont des postures pénibles, qui portent de lourdes charges, les agents chimiques ou encore les employés soumis aux températures extrêmes et au bruit. Le MEDEF refuse de le mettre en place, trop compliqué selon le syndicat des patrons qui sera reçu aujourd'hui à Matignon par Manuel Valls. Daesh est-il derrière le triple attentat suicide qui a frappé l'aéroport d'Istanbul? Pour le gouvernement turc, ça ne fait aucun doute. Même avis pour la CIA qui estime que c'est bien l'empreinte de l'État islamique. Il n'y a eu pour le moment aucune revendication. L'attaque a fait 41 morts et 239 blessés selon un bilan encore très provisoire. On en sait un peu plus sur le crash de l'avion Égyptair qui devait relier Paris au Caire. Il y a bien eu de la fumée à bord de l'appareil avant le drame. Reste à savoir pourquoi cette fumée est apparue. Les experts trouveront certainement la réponse en analysant la deuxième boîte noire qui a enregistré les conversations des pilotes. Aucune thèse n'est écartée de l'attentat à la panne mécanique. 66 passagers et membres d'équipage, dont 15 Français, ont péri dans l'accident. La reprise de l'Euro, c'est pour ce soir avec le premier quart de finale. L'affiche est belle. Portugal-Pologne au stade Vélodrome. Le Portugal est favori sur le papier, mais l'équipe de Pologne s'est montrée combative depuis le début de la compétition avec un seul but encaissé. On verra tout ça chez Difool à partir de 21h. Soyez bien au rendez-vous. Et puis, petite inquiétude dans le camp France concernant Patrice Evra. Il y a eu contact hier avec Moussa Sissoko à l'entraînement. Le défenseur latéral est tombé et un autre joueur lui a marché sur la main. Séance interrompue pour lui avec un bandage et une bonne poche de glace là pour soulager la douleur. On verra ce matin à 11h30 en conf de presse si ça va mieux. Ok, on suivra tout ça. Merci pour tout, Rémi. Toi, ouais. On va te retrouver. Tu vas rester dans le coin et puis tu seras là également demain matin à partir de 6h. De bonne heure, de bonne humeur pour la queue et pour le sport. Comme d'hab, bonne journée tout le monde. 6h-9h, Morning Show, le Morning de Default sur Skyrock. Nouvel épisode du Morning de Default avec les métiers qui stressent le plus, c'est juste après Maître Gims avec Ma Beauté. Je ne t'ai pas donné tout mon amour, je ne t'ai pas fait mon plus beau discours, j'ai encore envie de te faire la cour, tu me verras sous un autre jour, je suis devenu mon propre fantôme. fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Ma beauté ne me laisse pas. Ma beauté ne me laisse pas. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Oui, ton retour est une délivrance. Oui, toi et moi, c'est une évidence. Je sais, ce n'est pas gagné d'avance. Mais rien ne m'effraie plus que ton absence. À présent, tu peux compter sur moi. Tu ne m'en voudras pas une seconde fois. Je t'offrirai la lune à l'ombre de ma plume. Ma beauté, repose-toi, ma beauté, repose-toi. J'ai les épaules pour ça, j'ai les épaules pour ça. Ma beauté, repose-toi, j'ai les épaules pour ça. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché. Maintenant tu m'abandonnes, j'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Je l'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Je l'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. T'as tout gâché. Un extrait de la bande-son de Camping 3, Maître Gims, ma beauté, Maître Gims qui sera également tourné Skyrock dans toute la France à la rentrée. On aura très bientôt des invites à vous offrir. Merci d'être là jeudi matin, j'espère que tout va bien, que vous soyez à la maison, dans les caisses, déjà en train de bosser. On est tous ensemble avec toute la déconne de Difool et Romano, les meilleurs moments du morning. Difool et Romano, vous les retrouvez maintenant, Calvin Harris et Rihanna aussi avec This is what you came for. Voici le classement des 10 métiers qui stressent. Merci pour les messages que vous nous laissez. Qui c'est qui nous laisse un message? Contrôleur RATP. Vanex, elle a 35 ans. Ah ouais, j'ai un métier plus que stressant. Contrôleur RATP, pas facile tous les jours. Et... Ah bah ouais, tu te fais souvent traiter, je pense. Ouais. Ça, c'est clair. Il y a Flo Flo Flo. Oui. 42-80, une fille. Mm-hmm. Je suis chauffeur-livreur et c'est hyper stressant. De plus, je suis une fille. Ah, c'est vrai que les chauffeurs-livreurs, c'est stressant parce que t'as le... Bah, ils font de la route tout le temps, en fait. Bah, et puis ils se font pourrir la gueule parce qu'ils se garent au milieu de la route et les gens, ils gueulent. Eh bien, je vous l'annonce, les chauffeurs-livreurs, vous faites partie des 10 métiers les plus stressants. Ah, ah ouais. Non, mais c'est pas étonnant. Ouais, 10 métiers les plus stressants du monde. Du monde, hein, attention, on a pris tous les métiers du monde. C'est un site qui a fait ça aux États-Unis qui s'appelle careercast.com. Classement, donc, des métiers les plus stressants dans le monde pour 2016. Ouais. Voici donc le métier le plus stressant. Tiens, d'après vous, vous savez ce que c'est? On nous parle de, en cuisine. Ouais. Ouais, j'aurais pensé à ça aussi. Ouais, la cuisine. Serveur. Je vous ai dans le classement aussi. Restaurant, cuisine, tout ça, j'ai. Infirmier. Infirmier, pourquoi c'est stressant, Romano? Bah, je sais pas, tu dois t'occuper des malades, tout ça. Ils font chier. Hein. C'est dangereux. Ils sont pénibles, les malades, parce qu'ils ont toujours mal au cul ou à la hanche, comme on dit chez toujours moi. Toujours en train de se plaindre. Vous connaissez cette expression? Oui, oui. Quand t'as pas mal au cul, t'as mal à l'œil, pas à la hanche. Bah non. À Saint-Etienne, c'est mal au cul. Ah ouais, à la c'est hanche. Vrai. Et en Bourgogne aussi. Ah bah, moi, j'ai mal aux deux. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Moi, j'ai un policier. Policier, métier stressant. Je l'ai dans mon classement, policier, mais c'est pas le métier le plus stressant. Moi, je dirais chef d'entreprise. Chef d'entreprise, je l'ai dans mon classement, mais ce n'est pas le métier le plus stressant. Prof. Prof. Je l'ai dans mon classement, mais c'est pas le métier le plus stressant. Médecin. Médecin, je ne l'ai pas dans mon classement. Bah voilà, alors là, complètement à côté de la plaque. À côté de la plaque, ma pauvre carriole. Il y a Jus qui nous propose pompier. Pompier. Bien joué. C'est ça? Non, c'est deuxième. Mais bien joué. Ah, c'est pas mal. C'est toi qui as donné la meilleure réponse pour l'instant. Bravo, Jus. Commercial. Commercial, j'ai pas dans mon classement. C'est les 10 métiers. Hein. Ça veut pas dire que c'est pas stressant. Hein, si bah, c'est pas policier alors? Ceux qui enlèvent les bombes, nous dit Mylène. Ah, des mineurs. Des mineurs, oui. Alors, c'est presque bon parce que le métier le plus stressant, c'est militaire. Ah, ok. Eh bien, respect à vous les militaires. Ouais. Et je vous dis, garde à vous, roulez-vous bien dans la merde. Exactement. Ouais, toujours. Ah, bah, toujours. Ah, on se roule de la merde. Deuxième, les pompiers, ouais. Je vous l'ai dit. Troisième, personne n'a dit ça. Prof? Non. On a dit prof. Cuisinier? pilote d'avion. Pilote d'avion. Bah oui, quand même. Si, ont... si tu te crashes, c'est pas super. Ils ont rien à faire. Ils appuient sur le bouton, le truc il décolle tout seul, non? Ouais, bah ouais. Comme sur un jeu PlayStation. Bah ouais, exactement. La même. Bah oui. Normalement. C'est pareil, comme sur un jeu PlayStation. Bah, et puis le mec il dort pendant le voyage. Bah ouais, tranquille. Donc, 1 militaire, 2 pompiers, 3 pilotes d'avion, 4 policiers. Ouais. 5 livreur. Ouais. Livreur, métier très stressant. À cause des bouchons, tout ça. Salut les livreurs. Mais je sais qu'il y en a plein qui bouchent. J'en étais à 5. Ouais, et puis une fois qu'ils sont à l'heure, ils se garent en bas de chez toi, ils te bloquent la rue, ils se font, warning, ils c'est se font pourrir la gueule, le mec descend 4 frigos du truc, les gens sont là, comment je connard. Et après, donc on passe au 6ème métier le plus stressant du monde, responsable de la communication. Ah ouais. Je sais pas pourquoi, mais c'est 6ème. Ah bah tu communiques beaucoup, c'est stressant. Ouais, 7ème, cadre dirigeant dans les grandes entreprises ou patron. 8ème, les profs. Ah ouais, ça, c'est stressant. Ouais, ça, ouais. 9ème, les journalistes. Ah, t'es stressé, Rémi, on dirait pas, toi. Non. J'en peux plus, je suis au bord du burn-out. Le mec, c'est à Loukoum. Mais quel mytho. Les journalistes, à cause de la pression, des échéances, le regard affûté du public. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Et après, on trouve en 10ème position. Et bien, en 10ème position, les cuisiniers, tous ceux qui bossent en cuisinier, serveur, restauration. Ouais, c'est vrai que ça gueule beaucoup, voilà. Ça stresse. Vous avez donc les 10 métiers les plus stressants du monde. Eh ben voilà. Grâce le classement à Skyrock, est tombé. Vous avez découvert le classement officiel ce matin. 6h-9h, le morning de Difool sur Skyrock. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Rihanna, This is what you came for dans le Morning Best sur Skyrock. Le Morning Best, on va retrouver le réveil de star d'Omar Sy. On est en train de... Non, Omar Sy, on l'a fait il y a une heure. Là, c'est Joey Star qu'on va retrouver avec Difool et Romano. On va utiliser sa voix pour réveiller une famille. Mais, tout de suite. C'est parti, Rihanna, tournée Skyrock. Riri, on est pressé de la retrouver. Notre numéro 1 mondial, numéro 1 Skyrock. L'artiste la plus jouée de tous les temps sur Skyrock. Elle sera en tournée le 15 juillet. Elle débarque à Nice. Après, elle passe à Lyon, à Lille et au Stade de France, à Paris-Saint-Denis. Des invites à des places à choper. C'est maintenant top inscription. Je rappelle comment ça se passe pour tous les nouveaux auditeurs. Vous laissez votre prénom et votre numéro de téléphone. 41 7 5 9. Allez-y maintenant. On va faire un tirage au sort parmi tous vos messages. C'est un peu plus de 60€, hein, les places pour Rihanna quand même. Ça tombe par deux. C'est un joli cadeau. Donc faites tout péter. Prénom, numéro de téléphone. On vous dit qui a gagné dans moins d'un quart d'heure. Il y aura l'horoscope de l'amour aussi dans 1 minute 07. Dis, et si tu m'emmenais en voyage? Oh là, parce que pour ses 20 ans, Bouygues Télécom offre 5 gigas d'internet à ses clients, SMS et appels illimités depuis l'Europe. Ah bah dans ce cas, on part à la plage. On va surfer comme des malades. Mais oui. Chez Bouygues Télécom, pour nos 20 ans, encore plus de plaisir avec la technologie. Cette semaine, découvrez le cadeau que nous vous réservons pour cet été. Appel et SMS illimités plus 5 gigas d'internet offerts partout en Europe pendant un mois. Rendez-vous vite sur bouyguestelecom.fr. Offre soumise à condition à partir du forfait 3 gigas. Casino. Bienvenue chez Casino pour les 30 jours Casinomania. Alors vous Mathieu, c'est quoi votre petite manie? En fait, pour profiter à fond de la promo sur les melons charentais, je les respire tous les deux en même temps et c'est vrai qu'ils sentent super bon. Surtout celui qui est gratuit. Jusqu'au 3 juillet, dans tous les supermarchés Casino, pour l'achat d'un melon charentais jaune calibre de 800 à 950 grammes, catégorie 1, origine France, le deuxième est à 0€ au lieu de 2,98€. Casinomania, encore et toujours plus fou! Avec Casino, prenez goût aux économies! Les meilleurs moments du morning de Difool. 6h-9h sur Skyrock. Morning Show. Morning Best. Yeah, juste avant de retrouver le réveil de star de Joey Star, c'est l'heure de votre horoscope de l'amour. Jeudi 30 juin, le tout dernier horoscope du mois de juin. 0 sur 5 de puissance amoureuse pour les cancers et pour les vierges avec des regards intimidants qui pourraient refroidir un petit peu l'ambiance. 1 sur 5 de puissance amoureuse, les balances et les sagittaires. Méfiez-vous des adeptes du culte de soi comme on en trouve un petit peu partout sur le net. 2 sur 5, les béliers et les taureaux, en contradiction avec vous-même, vous serez aussi attiré par quelqu'un de contradictoire. 3 sur 5, les scorpions et les poissons, vifs d'esprit et plein de second degré, votre cote est à la hausse. 4 sur 5 de puissance amoureuse pour les gémeaux et pour les lions, à la fois souriants et très sûrs de vous, vous êtes parmi les bons coups du jour. Et enfin, les capricornes et les verseaux, quelqu'un aura très très envie de vous et saura vous le prouver par la plus excitante des manières. Capricorne et verseaux, 5 sur 5 de puissance amoureuse. Le réveil de star, on y va, c'est parti dans le Morning Best. Tout de suite, on se mettra Florida aussi avec My House. Voici le réveil de star de Joey Star, justement sur Skyrock. Le réveil de star. Une star, une star, un appel, on écoute. Eh ouais, on va écouter tout ça. Alors, on a réveillé qui donc ce matin? Eh ben, c'est Joey Star qui a appelé une famille. Exactement, et il a appelé la famille de Gilles. Gilles et Verdez. Joey Star. Non, pas Gilles Verdez. Non, non, non, pas Gilles Verdez. J'ai mal à ma France. Oui, je sais, tu as mal à ta tête aussi depuis que Joey Star t'a fait. Ah oui! Ah oh, il a eu mal. Ah oui, oui. Depuis qu'il t'a filé une petite baffe, Gilles Verdez, Joey Star a un petit peu mal au crâne. Voilà, Joey Star n'aime pas la pizza, on a pris ça. Oui, la margarita, elle aime pas. Ah, trop. Il préfère les tartes. Voici donc l'appel de Joey Star à Gilles. Oh, la chance est familière, on les appelle avec des grosses, grosses stars. Oui, allô? Messieurs, bonjour! Oui? Eh, hey, ça va bien? C'est qui? Moi, je m'appelle Joey Star! Ouais, c'est quoi ces conneries-là? C'est moi! C'est moi! C'est quoi ton problème? Mais ça va ouf, lui! Ouais, bah, quoi? Tu n'es qu'un sac à main. Ouais, bah, et toi? Je sais pas, t'as mal au cheveux? Oui, allez, allez, allez, va jouer dans ta course. Ah, mais toi, tu t'es cru chez. Toi, tu t'es cru chez toi, quoi? Oui, mais qu'est-ce que je me fais chier à cette heure-là, toi? Il faut que j'aille aux toilettes. Ah. Oui, allez, allez, va te faire foutre. Là, il va faire... Ok, à tout à l'heure. Là, il va faire caca. Il va faire caca, Joey Star. Eh ben, Joey Star, pousse, vas-y, pousse un peu. Ah, ça y est, voilà. Il est prêt pour... voilà, c'est bon. Il a fait caca, il est prêt pour un deuxième. Allez, on y retourne. Ah, bah, on retourne chez Gilou maintenant, allez. Gilles et Joey Star. La rencontre se passe pas trop mal. Oui, ça va. C'est pas mal. Un bon contact entre les deux. Tu fais le malin derrière ton téléphone, tu vas pas te faire chier, d'accord? Oula. Mais tu vas la fermer, ta gueule. Ouais, bah, toi aussi, d'accord? Non, mais ferme-la, ta gueule. Ouais, allez, dégage. Tu vas cesser de me mettre ta merde dans la gueule, là, un peu. Ouais, bah, je vais te la mettre, maman, pas dans la gueule, toi. Je me balade moi en slip. Oui, bah, c'est, vas-y, fais ton malin, puis c'est tout, parce que j'ai t'en claqué une, moi. Viens, on va à la piscine, allez, je vais à la piscine avec toi. Oui, allez. Tu fais le malin derrière le téléphone, mais devant, tu la ramènerais pas, alors ta gueule. Il est content, Joey Star. Ben, vous avez vu, en deux minutes, Joey Star a appelé deux fois Gilles et est allé aux toilettes en même temps. Casse ta boîte à caca. Il a cassé sa boîte à caca, c'est chose qui arrive. Merci, Joey, c'était sympa. 6h-9h, The Morning Show, le morning de Default sur Skyrock. Champagne, pop. It's my house, come on, turn it up. Hear a knock on the door and the night begins. Pour yourself something cold, baby, cheers to this. Sometimes you gotta stay in, and you know where I live. Yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in, and welcome to my house. Baby, take control. Morning comes and you know that you wanna stay. Close the blinds, let's pretend that the time has changed. Keep our clothes on the floor, open up champagne. Let's continue tonight, come on, celebrate. That's how we do. Sometimes you gotta stay in, and you know where I live. Yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in, and welcome to my. Shot of vodka, you know what's in my glass. It's my house, just relax. Welcome to my house. Baby, take control now. We can't even slow down. Hit the brakes, hit the brakes. We don't have to go. Cheers to this. Welcome to my house. Rapper R&B dès le matin sur Skyrock à 8h52 dans le Morning Best. On vient d'écouter Florida avec My House. Difool et Romano à retrouver en direct tout à l'heure sur Skyrock à partir de 21h pour la radio libre. Il y aura le double appel et le fameux problème du mois de Romano. Il y a le 9-12 avec Fred en prépa. Il y aura Designer pour attaquer l'émission de Jul ou encore Jay-Z et Beyoncé. Mais juste avant, c'est parti, on fait tourner. 400 places de concert Rihanna à gagner sur Skyrock. Allô Amandine. Allô, bonjour. Bonjour Amandine, comment vas-tu? Très bien. Super voilà. Contente. Je sens dans ta voix que toi, tu vois. Rihanna. Ouais, super contente. Bon, t'as 25 ans, t'es dans le 91 du côté de Limours. Amandine, on y va, c'est parti. La roulette. Quand tu veux, tu cries stop pour l'arrêter. Il y a des places à choper à l'intérieur pour voir Riri, Paris, Lille, Nice et Lyon. Quand tu veux, Amandine. Allez, on croise les doigts pour toi. Vas-tu gagner tes places pour Rihanna? J'en ai pas. Ça fait peur? Ouais. Non, ça ne fait pas peur. La roulette, généralement, quand on fait un beau stop, ça se passe bien. C'est parti, Amandine. Rihanna, 30 juillet, Stade de France. Trop bien. Merci beaucoup. Bravo à toi. Voilà, tu vas la voir. Tu l'avais vue ou pas il y a 3 ans? Non, j'ai pas pu la voir, non. Là, tu la verras. Okay. Déchire tout. Sur scène. Voilà, Riri. Félicitations à toi. Et nous aussi, merci. On est contents pour toi. Bravo, Amandine. Merci beaucoup. Bisous à toi. Je te souhaite une belle journée. Je te dis à bientôt. Ciao, Amandine. Ciao, ciao. Et la roulette, elle retourne tout à l'heure avec Fred. Géant, laisse.

pour